de ne pas nous raconter ni les détails dans ces choses-là. Il veut nous raconter les choses qui ont rapport avec la piété, avec des choses pareilles. C'est pas, ce prophète, par exemple, Daoud, combien de femmes avait-il exactement, comment s'appelait-elle, etc. Tout ça, ce n'est pas très important. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, il a dit, Zulqarnain, la adri, hawa nabi amla, wa tuba, la adri, hawa nabi amla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui était guidé par Jibril alayhi wa sallam, qui venait lui dire des choses, a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas si tuba, qawmu tuba, je ne sais pas si tuba c'est un prophète ou non, je ne sais pas si Zulqarnain c'est un prophète ou non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, certaines personnes, ils ne savent même pas s'ils étaient des prophètes ou s'ils n'étaient pas. Qu'allons-nous savoir? Moi-même, on était dans ce qui s'est passé entre les deux enfants de Adam, alayhi wa nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses qu'on avait dites, c'est que il n'y a aucun hadith sahih qui dit qu'il s'appelait Qabil ou Habil. On a dit ça. Il n'y a aucun hadith sahih qui dit qu'il s'appelait Qabil ou Habil. Donc nous, tant qu'il n'y a pas de hadith sahih, on dit comment dit le Coran, Ibn Adam, les fils d'Adam. On ne dit pas Qabil ou Habil, parce qu'on n'a aucun délil en ce sens. Allah Azza wa Jalla a dit, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيَ آدَمْ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه وقتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين إلى آخر الآية. Très vite on avait dit que Allah Azza wa Jal nous parle dans ce paragraphe ici des deux fils d'Adam عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. Il a dit ces deux fils là, comme c'est dans Tafsir Tabari ou Tafsir Ibn Kathir, l'un d'eux avait harf, avait une terre, etc. Et l'autre, il avait des moutons et des vaches, etc. Allah Azza wa Jalla leur a demandé qu'ils fassent un sacrifice au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَرَّبَ صَحِبُ الْغَنَمْ أَكْرَمْ مَا عِنْدَهُ. Celui qui avait les moutons et les vaches, etc., a donné le meilleur de ce qu'il avait. Il a choisi par exemple le plus gros mouton, la plus bonne vache, la plus belle vache, etc. Il a donné fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Et il a donné avec, on sent dans son cœur qu'il voulait donner. Avec un cœur ouvert. Des fois on donne et on ne veut pas donner. Des fois on donne, on ne veut pas donner. Mais des fois, on donne avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert, ça veut dire on veut donner. On a du plaisir lorsqu'on donne. Ou l'akhar, الثاني لم يقرب أفضل ما عنده أما صاحب الحرف فإنه لم يقرب أفضل ما عنده بل قرب شر حرفه. Celui qui avait l'agriculture et la terre a donné tout ce qu'il avait de mauvais. Par exemple, il avait beaucoup de blé, il a donné le blé qui ne se mange pas, bien le blé qui n'est pas bon, etc. الله عز وجل فتقبل من صاحب الغنم ولم يتقبل من الآخر. Donc Allah Azza wa Jalla a accepté le sacrifice de celui qui avait les vaches et les moutons, etc. Il n'a pas accepté le sacrifice de son frère. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, quand on sacrifie quelque chose pour lui, on sacrifie ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de meilleur. C'est pas la chose qu'on veut jeter, on dit voilà, on va faire le monde avec cette chose. Quand je dis, ça faut passer. Et c'est Allah Azza wa Jalla qui a dit dans le Coran, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Jamais vous ne, Allah Azza wa Jalla a dit, jamais vous n'arriverez à la piété, la vraie, jusqu'à ce que quand vous faites l'aumône, vous faites de la chose que vous aimez, de la chose que vous aimez. Barakallahu fikum. Essayez cela et vous verrez. Essaye quand tu veux donner quelque chose ou quand il y a quelqu'un à la porte qui demande quelque chose là, essaye de lui donner de la chose que tu veux, la chose que tu aimes. Tu vas voir ce que tu vas sentir dans ton cœur. Essaye de lui donner de la chose que tu aimes. Si c'est quelque chose qui se mange, donne-lui une part de ce que tu manges. Si c'est quelque chose qui s'habille, donne-lui quelque chose de ce que tu aimes. Et tu verras la différence entre celui qui fait cela et celui qui va chercher les choses qu'il avait mises de côté pour les jeter, il va dire, tiens, puisque celui-là a frappé à la porte, je vais lui donner ça. Yani, c'est pour s'en débarrasser. Donc l'Azul a dit, l'entanalu l'birra, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Même il a dit, dans un autre verset, yani plus grave que cela, il a dit, ya ayyuhal ladhina amanu, انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض او كوايون فات لي ديبونس يعني ديبونسي ولا فات لومون من طيبات ما كسبتم دو لا شوز يعني كي بور كو فوز ايمي سي با تو با دوني كوم جو فيان دير دو لا شوز كو تو نيم با من طيبات ما كسبتم لا شوز كي حلال كي ايمي باغ الله سبحانه وتعالى ومما اخرجنا لكم من الارض ensuite il a dit voilà l'essentiel وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلِسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا تُغْمِدُوا فِيهِ Allah l'adim et ne cherchez pas يعني, ne faites pas exprès vous allez spécialement chercher la chose que vous n'êtes pas que, pardon que vous n'aimez pas la chose du khabitha la chose que personne n'aime et tu vas faire l'aumône de cette chose وَلِسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا تُغْمِدُوا فِيهِ Allah l'adim l'azul dit et si c'était vous ou là à vous qu'on allait ou là qu'on donnait cette chose vous ne l'apprendriez pas qu'avec yani, difficulté Allah l'adim c'est lui qui nous a créé, il nous connaît bien il nous dit Allah vous donnez une chose et cette chose si un autre vous l'avez donnée vous ne l'aurez pas prise pourquoi parce que c'est pas une chose que vous aimez c'est pas une chose que vous aimez donc vous donnez la chose que vous n'aimez pas c'est pour ça que ici Allah azzawajal a accepté de l'un et n'a pas accepté de l'autre. Il a dit, la aqtulannak. Il a dit alors à son frère, je vais te tuer. Je vais te tuer. Soit il l'a dit comme ça, ou bien il l'a dit en son cœur. Mais le plus juste, c'est qu'il a dit comme ça. Pourquoi? Parce que l'autre va lui répondre. Parce que l'autre va lui répondre. Pourquoi il lui a dit ici, la aqtulannak, je vais te tuer. Yani, poussé par quoi? Pourquoi je vais te tuer? Je suis poussé par quoi? Poussé par le hasad. Le hasad, yani envie. Vous savez, le hasad, c'est quelque chose qu'on ressent dans le cœur. On se dit pourquoi celui-là il a de l'argent, moi je n'ai pas. Pourquoi celui-là il a acheté une voiture, moi je n'ai pas. Je souhaite dans mon cœur que sa voiture se brûle et que sa maison yani, se démolisse et qu'il tombe malade, etc. Ça s'appelle ça le hasad dans le cœur. Le hasad dans le cœur. Là, il faut savoir que il n'y a pas peut-être une personne qui n'a pas le hasad. Mais le hasad, il est là à l'intérieur tant qu'on ne fait pas sortir, on ne l'extériorise pas, c'est pour ça que l'Azul a dit dans le Coran, s'il fait le hasad, ça veut dire s'il fait pas le hasad, pas de problème, tous on a un peu de hasad dans le cœur, mais quand tu le fais sortir, yani tu souhaites, tu te dis je voudrais ceci cela, c'est là que qui n'est pas yani, c'est ça ce que l'azul n'aime pas. Et si tu le laisses à l'intérieur, on a tous le hasad, il est petit ou grand d'après la piété qu'on a, Voilà, donc l'autre, quand il lui a dit je vais tuer, il lui a répondu إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ مُتَّقِينَ Allah Azza wa Jal, il accepte yani, des pieux de ceux qui font la chose en son visage, de ceux qui donnent la meilleure des choses qu'ils ont, lorsqu'ils veulent faire l'aumône ou faire quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit ici Allah Azza wa Jal إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ مُتَّقِينَ Non, avant cela, je voudrais vous dire que الحسد للبروفيت صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في قلب عبد الانسان عفوا الايمان والحسد حديث حسن البروفيت صلى الله عليه وسلم قال dans un hadith bon il a dit ne peuvent pas se grouper dans le cœur d'une personne d'une part le hasad et d'autre part l'iman l'iman ou le hasad mon dieu دعم الحسد mon dieu et le iman et la croix pardon j'ai dit la croix et la foi ne marche pas les deux ensemble. Ou bien tu trouves cette chose, ou bien tu trouves l'autre. Les deux hada, hasad, ça ne marche pas. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la hasad illa fi ithnain. Il a dit il est permis d'envier le hasad seulement dans deux choses. Lesquelles? Quand tu vois quelqu'un quand tu vois quelqu'un que Allah Azza wa Jalla lui a donné du ilm, lui a donné le Coran, lui a donné les hadiths, il connaît le Bukhari, il a appris les musulmans, Nasa et Tirmidhi, il a appris tout le sunan, tu sens dans ton cœur, tu dis si j'avais comme lui, j'aurais envie, que je voudrais avoir comme lui. Ça, c'est un hasad qui est permis. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est pas un hasad, c'est l'envie, yani, de faire comme lui pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est quelque chose qui va te pousser pour que tu fasses des choses qu'Allah Azza wa Jalla aime, ça ne fait rien, ce n'est pas du hasad. Le hasad, c'est quand tu souhaites que quelqu'un, yani, tombe malade, ou là que sa voiture se brûle comme je disais, ou là qu'il perde son argent, ça c'est le hasad. Mais si c'est à cause du ilm, quelqu'un il a du ilm par exemple, quelqu'un il a du Coran, quelqu'un il a appris tout le Coran, tu sens quelque chose dans ton cœur, tu dis je voudrais être comme lui, ça ce n'est pas interdit, peut-être c'est mieux. Et la deuxième des choses, il a dit quelqu'un que Allah Azza wa Jalla lui a donné de l'argent, et qu'est-ce qu'il fait? Il le donne fi sabilillah, il construit des mosquées, il fait ceci, il fait cela, il construit des hôpitaux pour les pauvres, etc. Toi tu te dis dans ton cœur, si j'avais comme lui, etc. Tu sens quelque chose dans ton cœur, ça ne fait rien, c'est même bien. Pourquoi? Parce que ça va te pousser, yani, tu voudrais t'approcher encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à cause, yani, que tu détestes la personne ou que tu détestes son argent. Et il n'y a pas, bien sûr, les envieux, il n'y a pas comme les juifs et les chrétiens. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout quand vous dites Amin, quand vous terminez la salat, vous dites Amin. Il a dit, ils sont très très très jaloux de celle-là, ils n'aiment pas que vous disiez, yani, ce mot-là, Amin. Et ensuite, il a dit, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ مُتَّقِينَ. L'autre a répondu, Allah Azza wa Jal يَتَقَبَّلُ, accepte des pieux. Là, j'ouvre seulement une petite parenthèse. Beaucoup de gens, quand ils terminent la prière, ils terminent, ils disent à celui qui est à gauche ou à droite, ils lui disent, تَقَبَّلَ اللَّهُ, تَقَبَّلَ اللَّهُ. Je voudrais dire que ça, les ulama ont dit, c'est une innovation, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Pourquoi? Pour deux choses. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont jamais dit cela. Et nous, c'est pas seulement on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala seulement, mais on obéit aussi à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on essaye de faire comme ont fait les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ce qu'ils ont fait, eux, nous on fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, on fait pas. Donc ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, quand ils terminaient la prière, ne disaient taqabbal Allah, Allah est taqabbal. C'est pour ça qu'il faut éviter de dire cette chose, quoique bien sûr on a une bonne intention, etc. Mais la bonne intention ne rend pas la bid'a sunnah. La bonne intention ne rend pas le haram l'illicite, elle ne rend pas licite la bonne intention. La bonne intention, c'est quand tu veux faire quelque chose que Allah Azza wa Jalla aime et tu n'arrives pas, Allah Azza wa Jalla va donner des hasanats. Tu avais l'intention de donner un peu d'argent à un mendiant. Tu l'as vu du balcon, tu es descendu pour lui donner, tu ne l'as pas trouvé. Voilà la bonne intention, alhamdoulilah. Allah Azza wa Jalla va t'écrire comme si tu avais donné. Mais c'est quelque chose qui est bid'a. Tu dis, moi j'avais la bonne intention. La bonne intention ici ne joue aucun rôle. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit dans un hadith sahih, mawquf, qu'est-ce qu'il a dit? Kam min muridin lil khayr lam yablugh. Il a dit, il y a beaucoup de gens qui aiment le bien, mais ils n'arrivent pas à ce bien. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que, comme je dis, ils ont le bien dans le cœur, ils veulent faire le bien, mais ils font des innovations. Ils font des innovations. Donc, quand quelqu'un nous dit Allah yaqbaloula, on lui montre avec chiquement, avec sagesse, ou là, on lui dit que. Peut-être qu'on lui répond la première fois, ensuite on lui dit, voilà, en fin de compte, ça, c'est pas de la sunna, etc. C'est pas on le brusque, ou là, on l'insulte, ou là. Bon, les gens ne connaissent pas le dîn. Il ne faut pas les faire fuir, il faut, comment les attirer vers le dîn là-dedans. Ensuite, j'ai dit pour deux choses. Pour la première, ni le prophète ni les compagnons n'ont fait cela. La deuxième, là, je l'ai dit dans le Coran, on vient de lire la ayah, le verset, il a dit, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Là, Azzawajal, il a dit qu'il acceptera des pieux. Donc, c'est pas la peine que tu me dises ou que je te dise. Là, je a promis qu'il accepte des pieux. Donc, la prière que j'ai faite, si je suis pieux, là, Azzawajal va l'accepter sans que tu me dises toi, sans que tu fasses le doigt. Car c'est lui qui a dit, j'accepte les choses des pieux. إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Quand j'ai parlé, j'ai oublié de dire, quand j'ai parlé de comment les gens, les vrais, les pieux, comment lorsqu'ils font l'aumône, ils donnent yani, la chose qu'ils aiment beaucoup, et ils donnent la chose qu'ils aiment. Bien sûr, Allah Azzawajal n'a pas dit donne yani, la chose que tu aimes, donne-la. Donne-la, il reste comme ça. Non, il a dit donne un peu de cette chose. Yani, partage avec quelqu'un ou la donne-lui une parole. Il t'a pas dit donne la chose et tu laisses comme ça ton cœur yani, serré, etc. Parce que nous, notre foi est un peu faible et un peu ébranlée. C'est pour ça, si on va donner la chose qu'on aime, peut-être on va pas dormir la nuit. Donc, il vaudrait mieux donner yani, juste un peu ou là. Mais juste pourquoi? Pour faire le djihad à l'âme. Pour faire de sorte qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise, sinon, elle va, yani, c'est elle qui va commander. On rentre dans le taurien. Tadra. Tadra nefs summa. Isbih yani hiya allati tatahakam. Fi hadith fil Bukhari. Fil Bukhari hadith sahih. Un hadith sahih dans le Bukhari. Où quelqu'un a dit à sa femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un invité et il n'a pas trouvé où le mettre. J'ai dit, je lui ai proposé qu'il vienne donc manger chez nous. Il lui a dit, subhanallah, je n'ai rien préparé sauf quelque chose pour les enfants, sauf quelque chose. Vous savez, autrefois quelque chose, c'est un peu de semoule et un peu d'eau, voilà quelque chose. C'était pas yani, les poissons, etc. Yani, un petit, peut-être de la semoule et de l'eau, comme je viens de dire. Alors, elle lui a dit, mais fais-le venir. Quand il est rentré, l'invité, il est rentré. Avant de rentrer, elle a fait dormir les enfants. Elle les a fait dormir. Elle a fait bouillir, laisser quelque chose en train de bouillir. Et eux, elle est dans la marmite, en train de boire et d'attendre, jusqu'à ce qu'ils se sentent endormis. Lorsqu'ils se sont endormis, et l'invité est rentré, le mari de la femme est rentré, la femme a fait venir le manger avec des enfants. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éteint la chandelle. Ils ont éteint la bougie. Ils avaient une bougie autrefois, il n'y avait pas d'électricité. Ils l'ont éteinte. Pourquoi? Comme ça, quand ils sont assis dans l'obscurité, yani, l'invité ne va pas leur dire pourquoi vous mangez. Parce qu'ils ne veulent pas manger, ils savent que ça ne suffit pas. S'il laisse la chandelle allumée, l'autre aussi ne va pas manger. Il va dire, subhanallah, comment? Moi, je vous mange ce que vous avez fait pour vous. D'ailleurs, s'il avait su que c'était pour les enfants, il n'aurait pas mangé. Ça, c'est le manger des enfants. Alors, ils ont éteint. Comme ça, ils ne les voient pas quand ils ne mangent pas. Et, de temps en temps, ils mettaient leurs mains comme ça. Mais c'était seulement pour y aller feindre qu'ils étaient en train de manger. Jusqu'à ce que l'invité a bien mangé. Ensuite, ils ont allumé le khala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rencontré l'homme hada, l'homme qui a invité, c'est-à-dire le mari de la femme, radiallahu ta'ala anhu, quand il l'a rencontré, il lui a dit, dans un hadith sahih dans le Bukhari, bahika Allahu al-laylata aw ajiba Allahu min fi'alikuma. Subhanallah, il lui a dit, Allah azza wa jalla, subhanallah, qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce que tu as fait toi dans la maison avec l'invité? Allah azza wa jalla hier a ri de ce que tu as fait. A ri, ça veut dire il était, yani le rire, le vrai rire. Yani, on ne dit pas comme disent les autres, le rire c'est le sawab ou là. Nous, on ne dit pas comme l'Ash'ari et l'Ahbash et les autres. On dit, voilà un hadith où Allah Azza wa Jal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'Allah Azza wa Jal rit. Donc il lui a dit, Allah Azza wa Jal a ri hier de ce que vous avez fait. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a fait descendre un verset, ou bien deux versets, où il est dit, peut-être vous le connaissez tous, où il dit, يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصًا. يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصًا. Allah Azza wa Jal a dit, il y a des gens qui, subhanallah al-azim, yani, ils sacrifient la chose même s'ils la veulent. Même s'ils la veulent, ils sont dans un état de faim grave. Ils sont affamés. S'ils ne mangent pas, c'est grave. C'est pas comme nous maintenant. Tu ne manges pas maintenant, tu vas manger dans 2 heures. On mange 5-6 fois par jour. D'autres, ils mangeaient une fois par jour. S'ils pouvaient, c'était déjà bien. Donc, ils ont laissé le dîner d'aujourd'hui passer. Jusqu'à demain, je ne sais pas s'il va y avoir à manger. Allah Azza wa Jalla fait descendre un verset pour dire, il se sacrifie, il aime la chose et il la laisse pour d'autres. Yani, hatta Allah Azza wa Jalla, il a ri. Et dans un autre hadith, il s'est étonné, ajiba, al-ajiba Allah, de ce que vous avez fait. Subhanallah al-Azim, wa la hawla wa la quwata illa billah al-Azim. Regardez les pieux, yani, comment qu'ils étaient, comment qu'on est nous. Yani on est tous ou la plupart, yani on est avare. On est avare. On voudrait que la chose soit pour nous et nos enfants, pas pour l'invité. Imaginez dans cette même histoire, qu'est-ce qu'on aurait dit? Peut-être moi j'aurais dit à ma femme, peut-être. Celui-là il veut manger le manger des enfants, il est fou celui-là. Il est fou, il est venu aujourd'hui. On n'a rien à la maison, on a juste pour les enfants, il veut leur manger le manger, il veut nous tuer les enfants. Peut-être comme ça j'aurais dit, Allah alam. Mais celle-là, la femme, très contente, puisque c'est l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse le rentrer et quitte à faire pleurer les enfants et quitte à ne pas manger eux, mais pourvu que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète en soit réjoui. Ensuite, Allah azza wa jalla a dit, l'autre a dit à son frère, celui qui, dont la chose a été acceptée, il lui a dit, quand il lui a dit, je vais te tuer, il a dit, la imbasata ilia yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ila li aqtulak inni akhafu Allah rabbil alamin. Si tu veux me tuer toi, moi je n'ai pas l'intention de te tuer. Pourquoi? J'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans le Bukhari ou Muslim, il a dit, idha tawajaha al-musliman bi sayfayhima falqatilu al-maqtulu fi an-nar. Il a dit, quand deux musulmans, deux croyants, se rencontrent avec les épées, maintenant on peut dire se rencontrent avec les pistolets, les mitraillettes. Maintenant peut-être il n'y a plus d'épées. Il a dit, quand deux musulmans se rencontrent avec deux épées, il a dit, celui qui tue et celui qui a été tué, les deux iront en enfer. Le tueur et le tué. Alors les gens, les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, se sont étonnés. Ils ont dit, fal qatil. Ils ont dit, pardon, ya Rasulullah had al-qatil, fama bal maqtul. Ils ont dit, sah, le tueur, on a compris qu'il va aller en enfer, il a tué quelqu'un. Mais qu'en est-il du tué? Le tué n'a rien fait, il a été tué. Miskin, c'est un pauvre. On ne voit pas, ils n'ont pas compris le hadith. On ne voit pas comment il va aller en enfer. Faqal al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, innahu kana harisan ala qatli akhih. Le prophète alayhi wa sallam leur a montré pourquoi il va aller en enfer. Il a dit, n'était-il pas, yani, ne voulait-il pas lui aussi tuer son frère? Ne voulait-il pas tuer le tueur s'il avait pu? Donc c'est la même chose. Donc il n'a pas tué le tueur parce qu'il a été tué, c'est tout. Ça veut dire s'il avait pu, il aurait tué le tueur. D'ailleurs même il a essayé, il a frappé avec son épée, il n'a pas pu, il a été tué. Donc les deux vont aller en enfer. Ça pour savoir que, comme disent les ulamas, quand en ce qui concerne le haram, comme ici, tuer quelqu'un c'est haram. Si tu veux avoir un ajr pour le haram, il faut que tu le fasses pas en le visage d'Allah. C'est toi qui dis, au lieu de tuer celui-là, je le tue pas. Et tu vas à la maison, là tu as un ajr, je le tue pas, parce que Allah n'aime pas cela. Mais si tu essayes de faire la chose et tu n'arrives pas, ça veut dire là tu as des itmes et des péchés. J'ai toujours donné l'exemple et je le redonne mille fois, que quelqu'un dit, demain je vais voler la banque. Et le lendemain, lorsqu'il sort dans la rue, il arrive à la banque, elle est fermée. Celui-là, Allah lui écrira comme s'il l'avait volé à 100%. Mais celui qui a dit, demain je vole la banque, ensuite il a réfléchi, il a dit, subhanallah al-azim, c'est le shaitan qui me fait cela. Voler c'est interdit, c'est haram, Allah n'aime pas le vol. Ensuite il ne va pas voler. Celui-là, il aura des ajr, des hasanat. Pourquoi? Comme a dit Allah Azza wa Jal, en fait Bukhari, il a dit, Tarakaha min jarra'i. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le haram à cause de moi. Donc quand tu ne fais pas le haram à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne le ajr. Donc celui-là, le deuxième qui a été tué, il n'a pas tué, sah, il n'a pas fait le haram. Mais en la cause d'Allah, il n'a pas tué. Non, il a essayé, il n'a pas tué. C'est comme quelqu'un qui veut boire l'alcool et il va au bar, il est trop fermé. Celui-là, c'est comme ce qu'il avait bu. Mais si on court tuer, il dit non, c'est haram, que vais-je faire? Taqillah. Ensuite, il retourne à la maison. Celui-là, il a ajr. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la chose en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik, fatakuna min ashab an-nar wa dhalika jazaa'u al-zalimin. Il lui a dit, même si toi tu veux me tuer, moi je ne vais pas te tuer, quoique je sois plus fort que toi. Il était plus fort que lui. Je suis plus fort. Si je veux, je te tue en 5 minutes ou là avant. Mais je ne veux pas te tuer. Pourquoi? Inni akhafu Allah rabbil alamin. j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, demain quand je vais le rencontrer, que vais-je dire? Toi tu n'as pas peur, donc tue-moi et après on verra. Moi je ne peux pas te tuer. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit dans le Coran, vous connaissez le verset, وَمَنْ يُقْتَ الْمُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَأُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ عَذَابًا عَظِيمًا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Quiconque tue un croyant, yani comme ça, exprès, sciemment, yani sans que ça soit une faute, comme ça il dit celui-là je vais le tuer, yani il a les quatre choses que je viens de citer dans ce verset, les quatre choses yani très difficiles, très très graves. Ensuite lorsqu'il a dit ici, donc ça c'est un peu difficile, c'est pas la peine de vous le dire, peut-être c'est un peu difficile à comprendre. Il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'ailleurs le hadith est dans Sahih Muslim, il a dit يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْظَالِمُ الْمَظْلُومِ. Le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jalla va faire venir الظالم, celui qui a été injuste, et la personne opprimée, et la personne qui a été opprimée. Il a dit فَيُقَدْ مِنْ حَسَنَاتِ الظَّالِمِ فَتَزْدَادُ فِي حَسَنَاتِ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِفِ. Que va faire Allah Azza wa Jalla? Il va prendre des hasanats, des hasanats. Celui-là, c'était pas un kafir, c'est un musulman, c'est un croyant qui a tué un autre. Donc il va prendre des hasanats du croyant. Hein, il donnait de l'aumône, il faisait la prière, il faisait la zakat. Tout ça, il va lui prendre des hasanats jusqu'à ce que, yani, ça, l'ahba de téléphone, d'accord, à votre tour. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ هل في صوت؟ نعم. Bon. Je viens de fermer le téléphone, inchallah, comme ça, il va pas me déconcentrer. Je disais que Allah Azza wa Jalla, il va prendre de l'injuste, celui qui a été injuste, il va lui prendre des hasanats jusqu'à ce que l'autre soit ravi. Il va lui prendre, par exemple, le crime qu'il a fait, par exemple, c'est par exemple 10 000 hasanats, par exemple. Donc il va lui prendre, par exemple, 10 000 hasanats à cause de tel crime. C'est classé, tel crime, c'est ceci, cela, il lui classe. Ensuite, il donne à l'autre. Il a dit, فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئة المظلوم فتطرى عليه. Et si jamais on lui prend des hasanats, ensuite il n'a plus de hasanats, il n'a plus de bienfait. Ça suffit pas, le péché a été trop grand. Qu'est-ce qu'il fait Allah Azza wa Jalla? Il va prendre des péchés de l'autre. Il va prendre des péchés de l'autre, de celui qui a été tué par exemple, et il va les donner au tueur. Il va lui remplir son dos, ses épaules, il va lui mettre sur sa tête plein de péchés. Pourquoi? Pour que payer à cause de ce qu'il a fait ici dans cette vie. Donc, yani, toute personne qui ici yani, a été opprimée, etc., faut pas qu'il oublie que le jour du jugement dernier, yani, il aura tout ce que on lui a appris. Il aura tout ce que on lui a appris ici. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, d'ailleurs c'est Allah Azza wa Jal qui a dit, il a dit, wa man yuqtal, pardon, c'est pas celle-là. أنه من قتل نفسا بغير حق من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Non, l'Azul a dit quiconque tue quelqu'un, yani sans raison. Les raisons, c'est j'ai dit, par exemple, fais pas exprès. Fais pas exprès. Il va à la chasse, il voit une gazelle, il tire sur la gazelle, il la loupe, il y avait quelqu'un qui était assis derrière un buisson en train de manger. Ou là, je sais pas en train de quoi faire. La balle le frappe dans la tête, il mord. Celui-là, il a pas fait exprès. On parle de celui qui tue quelqu'un qu'on fait exprès. Il a dit, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Il a dit, l'Azir, qui tue quelqu'un, c'est comme s'il avait tué tous les gens. Allah l'a dit, seulement quelqu'un. C'est comme s'il avait tué tous les gens. Pourquoi? Dans le tafsir que disent les ulama, ils disent, car quiconque peut tuer quelqu'un peut tuer 1000 et 10 000. Non, c'est quoi la différence? Classe, tu ouvres la porte, on tue quelqu'un, on tue 10 000. Si on tue quelqu'un, on va dire pourquoi pas le deuxième? Quelle est la différence entre 1 et 2? Quelle est la différence entre 3 et 2? Quelle est la différence entre 4 et 3? Entre 5 et 4? Et comme ça, on va tuer 10, 100. C'est un peu, quand par exemple quelqu'un, Masha'Allah, il est croyant, ensuite c'est Shaitan, il va lui faire un coup, il va boire un verre de vin. Quelle est la différence entre un verre où tu vas boire tout ce qu'il y a dans le bar? Il y a une différence, il n'y a pas de différence. Tu as bu un verre, tu bois la bouteille, bois 10, 20, 30, c'est la même chose. Là, je veux montrer que quiconque tue quelqu'un, il est possible à cette personne qu'elle tue tous les gens. Donc, c'est très grave, bien sûr, pour celui qui tue comme ça, surtout, yani, s'il le fait comme je viens de dire, yani, il le fait yani, sciemment. فعن عبد الله بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان وصف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه le grand khalifa a été tué par les kharijites, a été tué, les kharijites qui l'ont encerclé et lui ont coupé la tête, comme vous savez, ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'il a dit Sa'd bin Abi Waqqas? Il a dit أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاتست. Je suis témoin que le prophète Ali a dit innaha satakunu fitna, yani il va y avoir une grande fitna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que Uthman ibn Affan allait être tué. D'ailleurs, dans le Sahih al-Bukhari, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était une fois assis avec les compagnons, ensuite Uthman radiyallahu ta'ala anhu est passé un peu plus loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, il leur a dit innahu yani sayamutu yani sayuqtalu madluman, innahu سيقتل مظلوما. Ensuite, lorsque les sahaba radiallahu ta'ala ont dit à Uthman, voilà ce qu'on a entendu le prophète alayhi sallam dire de toi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahul Musta'an. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman ibn Affan ensuite, dans une autre circonstance, il lui a dit Asallahu an yuqammisaka qamisan fa in aradaka almunafiquna ala khal'ih فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِ عَلَى الْحَوْضِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit peut-être que Allah azza wa jal va te faire habiller avec un qamis, si les hypocrites te demandent de l'enlever, ne l'enlève pas jusqu'à ce que tu me rencontres. Demain tu vas me rencontrer devant mon bas, c'est avec le hawz. Attention, si Allah azza wa jal te fait habiller un qamis, ne l'enlève pas jusqu'à ce que tu me rencontres. Et bien sûr, Uthman ibn Affan a compris que le qamis c'était quoi? Le qamis c'était la khilafa, la gouvernance, le gouvernorat. Il allait devenir un grand khalifa. Donc il lui a dit, si les hypocrites te demandent d'enlever le qamis, ne l'enlève pas. Ça veut dire, ils vont te demander de laisser le gouvernorat là et yani, laisse-le pour nous. C'est comme ça que les kharijites l'ont encerclé et lui ont dit, tu fais seulement une chose. Ils lui ont dit, tu fais seulement une chose, on ne te tue pas. Ne sois plus khalifa. Lâche le khilafa, khalas. Tu n'es plus khalifa, on ne te tue pas. Il leur a dit, jamais. Si c'était moi, je n'aime pas la khilafa, je vous la laisse. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit, attention, si Allah te fait habiller un kamis, attention, tu l'enlèves jusqu'à ce que tu me rencontres. Et je suis prêt à mourir et à ne pas vous laisser yanné à ma place. Et bien sûr, ils l'ont tué, ils lui ont enlevé la tête. Alayhi min Allah ma yastahiqun, les kharijites, khawarij. Leur grand chef, c'était Kinan, c'était un Égyptien. Le grand chef qui ont tué Uthman ibn Affan, leur grand chef, c'était un Égyptien. Vous voyez maintenant combien il y a de khawarij en Égypte, en Algérie. Ça marche beaucoup, le khawarij. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ilm, il n'y a pas de science. Tu n'as rien dans la tête, rien dans le cœur. Moi, je te dis comment je te viens. Je te dis, regarde, le gouverneur Ada, il a pris tout pour lui. Il a les villas pour lui et ses enfants. Ses enfants, il leur a acheté de grands villas et des ranches au Texas. Au Texas. Il a le bateau Ada spécial. Il a, il a tout, il a les meilleures voitures. Et toi, tu n'as même pas le travail. Et toi, tu manges du pain et de, je ne sais pas quoi, et des olives. Alors, il commence à gonfler. Un jeune de 16 ans, 18 ans, qu'est-ce qu'il sait, le pauvre? Il commence à le gonfler, le gonfler, le gonfler, jusqu'à ce que arrive la grande fitna. Jusqu'à ce que arrive la grande fitna, où les gens ne savent plus quoi faire. Et c'est des meurtres, et c'est des tueries, et c'est le sang qui coule. Et c'est des femmes qu'on prend. On prend les femmes. On vient avec des autobus, on les remplit de femmes et on les prend aux montagnes. On les tue, on les égorge, on fait derrière beaucoup de choses. Et la grande fitna qui commence toujours par les kharijites. Pourquoi? Parce qu'on dit pas, tu n'as pas d'ilm. Tu ne connais pas que le khuruj hada il est haram. Tu ne sais pas que le khariji hada, que lui-même il est en faute. C'est un égaré. C'est, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est bon nar. Il a dit, sont les chiens de l'enfer. Donc les gens ne connaissent pas le din. Il est vite impressionné. Il n'a jamais lu la aqida, il ne connaît pas les sectes, il ne connaît pas le minhaj. Maintenant quand tu parles, certains gens, tu leur dis, on va parler un peu de minhaj, on va voir les sectes. Il n'aime pas. Tu dis, non, c'est pas le temps d'aller des sectes, etc. Comment c'est pas le temps? Alors comment vais-je savoir, Anna? Le prophète alayhi sallam m'a dit, attention aux kharijites, attention. Si vous les trouvez, tuez-les. Si vous les tuez, ils vont en enfer. Si vous le tuez, vous êtes shahid. Comment moi je vais savoir si X c'est un kharijite ou ce n'est pas un kharij? Comment je vais savoir? Je n'étudie rien, je ne connais pas les sectes. D'ailleurs, c'est pas seulement pour les autres, pour moi-même. Quelle est la preuve que moi, je ne suis pas un kharijite, que je ne suis pas un mu'tazili, que je ne suis pas un qadiri? Quelle est la preuve? La preuve, il faut que je sache les sectes, je sache le mal pour savoir si le mal est en moi ou il n'est pas en moi. Il faut que je connaisse le mal. Moi, je ne le connais pas, je ne connais pas, tu m'as jamais montré le vin. Je ne connais pas, je crois que c'est un jus. Je vais le boire, le vin, moi. Je crois que c'est un jus. Tu m'as jamais montré le vin. La première fois que je le bois, je le bois. Je dis, il a une bonne couleur, il a un bon odorat, je vais le boire. Mais quand tu me dis, attention, ça c'est le vin, c'est ça ce que là je n'aime pas. C'est celui qui boit cela, il n'aura pas dans le paradis le vin, etc. Là j'ai peur du vin, je le bois pas. Les kharijites, donc, ont fait beaucoup de choses dans le monde. Et comme j'ai dit, ils ont déjà... Vous avez entendu avant-hier ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, comment ils ont fait à Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, ce qu'ils ont fait à Ali. À Ali radiallahu ta'ala anhu. Quand on revient ici où on était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il a tué l'autre, il a tué son frère, il a dit, pardon, ici, qu'est-ce qu'il y a? نعم إلى دي الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الله عز وجل أنبوي كوا أنبوي أن كوربو غراب يبحث في الأرض qui cherche dans la terre pour lui montrer comment il va faire de son frère. Maintenant il l'a tué, il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'enterrement. Il ne sait pas, c'est le premier meurtre sur terre. Donc il n'a pas, il faut qu'on lui apprenne qu'il y a l'enterrement. Il ne peut pas comme ça de sa tête dire, je vais faire un trou et je vais le mettre à l'intérieur. Ensuite, il a dit, lorsqu'il a tué son frère, il l'a pris sur son dos. Et il marchait, et il essayait de penser, que vais-je faire de lui? Allez, vais-je le poser sous un arbre, etc. Il ne savait pas ce qu'il allait faire de lui. Là, il a envoyé deux corbeaux en train de se disputer comme ça, en face, de ce frère, du tueur, hein, en train de se, aller frapper avec les griffes, etc. Ils se sont, jusqu'à ce que l'un des deux a tué le deuxième corbeau. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, avec son bec, il a fait un grand trou dans la terre et il a mis le corbeau à l'intérieur. Alors l'autre, le tueur, lorsqu'il a vu cela, il a dit, subhanallah, donc je vais faire exactement comme a fait le corbeau. Qu'est-ce qu'il a dit? Khalaya wa ilata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوري سوءة أخي. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوري سوءة أخي فأصبح من الندمين. Donc quand il a vu cela, il a dit, subhanallah, ce corbeau donc il est mieux que moi, lui il a pu faire cela, moi je peux pas faire. Donc il a pris son frère et il l'a mis sous terre. C'était la première fois que quelqu'un enterrait quelqu'un. Et remarquez ici comment Allah Azza wa Jalla a parlé d'un corbeau dans le Coran. Un corbeau, cet oiseau qui ne vaut rien. Il l'a cité dans le Coran. On dit pourquoi? À cause de quoi? À cause de la science. Car il savait quelque chose. Il savait comment enterrer des choses. Il savait quelque chose d'utile pour l'humanité. Donc quelqu'un connaît quelque chose d'utile, celui-là, il devient, il a une grande place. Il a une grande place, pourquoi? Parce qu'il est utile à l'humanité, surtout, comme vous le savez, s'il le fait en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez pourquoi, le chien par exemple, le chien qui, lorsqu'on le garde à la maison, sans raison, vous savez cela, je l'ai dit une fois ou deux fois, quand on a un chien, on le garde à la maison sans raison, ça veut dire que c'est pas un chien de garde contre les voleurs, ni un chien de chasse, ni un chien berger. On a des moutons, c'est lui qui est le berger. Si c'est un chien qui ne fait aucune chose, qui est dans la maison, comme le caniche par exemple, qui est dans la maison, celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'enlève chaque jour une montagne de bienfaits, les hasanats que tu fais. Chaque jour, il s'enlève une montagne. Il a même dit la montagne qui est comme Uhud, Jabal Uhud. Chaque jour, il enlève à la personne qui a acheté ce chien, il lui enlève une montagne de hasanat. Alors imaginez, est-ce que nous on fait une montagne par jour de hasanat? On ne fait pas. Alors celui-là, il enlève une montagne par jour de hasanat. J'ai dit ce chien, qui, lorsqu'il lèche une assiette ou là, quelque chose, on doit la laver 7 fois à cause de ce qu'il a dans la bouche. Ce chien, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكِلِّبِينَ تُعَلِّمُنَهُنَّ مِمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُولُوا مِمَّا مْسَكْنَا عَلَيْكُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. Maintenant que ce chien, si tu lui apprends la chasse, ça veut dire classe. Il a donc la science, il lui a appris quelque chose d'utile. À cause de la science qu'il a, maintenant c'est un chasseur, Allah a permis que tu manges la chose qu'il attrape, la perdrix ou le lapin ou là, sans la laver. Subhanallah. Pourtant, s'il lèche quelque chose, tu dois 7 fois, cette chose-là, par exemple le récipient-là, 7 fois la laver. Pourquoi? Parce que c'est un chien normal. Maintenant que c'est devenu un chien de chasse, tu lui as appris quelque chose, alors, même s'il prend la chose dans sa bouche, c'est pas la peine de la laver parce que Allah Azza wa Jal l'a fait élever un peu à cause du ilm que tu lui as appris. C'est pour ça qu'il y a certains animaux qu'il est par exemple interdit de tuer. Pas spécialement l'animal. Il y en a aussi les petites. Je vais les citer par exemple. Regardez par exemple aussi le hudhud. Le hudhud, là, on l'a dit déjà une fois sur le nom, j'ai oublié. C'est un oiseau qui les ulama ont dit, il connaît l'eau sous la terre. Lorsqu'il vole, il sait que sous cette terre, par exemple, il y a de l'eau. Et sous l'autre terre, il n'y a pas. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jalla lui a donné cette particularité de connaître l'eau qui est sous la terre. C'est celui-là qui a parlé à Sulayman alayhi salam. Lorsque Allah Azza wa Jalla lui a dit dans le Coran, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Il est resté pas loin. فَقَالَ أَحَطُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِنٍ. Il a dit à Sulayman alayhi salam, il a dit, je viens d'un endroit où tu n'étais pas toi et je sais des choses que tu ne sais pas. Et lui a raconté le cas de la reine de Belkis. La reine de Belkis. Donc Allah Azza wa Jalla a cité un oiseau dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il a su des choses. Il a su, il a dit, je sais ce que tu ne sais pas. Et lui a raconté l'histoire qu'il y avait une reine là-bas qui s'appelait Belkis, etc. Ensuite Sulayman alayhi salam lui a écrit pour demander de venir. Donc même un oiseau, j'ai dit, un oiseau qui n'a pas d'importance, il a été cité dans le Coran à cause de ça. Ensuite, l'histoire de la fourmi qui a dit, ayyuha an-naml, udkhulu masakinakum. Comme a dit l'ajout dans le Coran, hatta idha atou ala wadi an-naml, qalat namlatun, ya ayyuha an-naml, udkhulu masakinakum, la yahtamannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Une fourmi a été cité dans le Coran. Une fourmi, quand on écrase comme ça avec la main, avec le pied, sans la voir, a été cité dans le Coran. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit, ya ayyuha an-naml, quand elle a vu Sulayman venir, allez wa la nabina sallallahu alayhi wa sallam, avec ses soldats, elle a vu de loin venir avec ses soldats, elle a dit, Ayyuhannam, ya ayyuhannam, oh, vous, yani les fourmis, ya ayyuhannam, utrulu masakinakum, rentrez dans vos trous, rentrez dans vos maisons, rentrez dans le trou. Yani les maisons, c'est le trou, à l'intérieur du trou. Rentrez dans vos trous. La yahtamilnakum Sulayman wa junudu. Par risque de Sulayman et ses soldats vont vous écraser. Wahum la yash'urun. Mais elle a dit, wahum la yash'urun. Regardez, une fourmi a dit, Sulayman et ses soldats vont vous écraser sans le vouloir. Subhanallah al-Azim. Une fourmi a su que Sulayman alayhi salam, c'était pas quelqu'un qui opprimait les gens ou les fourmis ou là. Sulayman alayhi salam ne tue pas les fourmis. Elle a voulu leur dire, justement, je cherche ton nom, le Hudhud. C'est vous qui devez m'aider. Moi, on m'a dit une fois comment il s'appelle, le Hudhud, Ada, mais je ne trouve pas maintenant comment il s'appelle. Inch'Allah, la prochaine fois, je vous dirai. On m'a dit une fois, mais j'ai oublié. Peut-être qu'on m'a dit la pigrièche, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr. Inch'Allah, la prochaine fois, je vous dirai comment il s'appelle. Donc, une fourmi, quand elle l'a dit, cela, Allah Azzawajal l'a cité dans le Coran. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, rentrez dans les trous, attention que Sulayman et ses soldats vous écrasent sans qu'ils fassent exprès. Parce qu'elle a su qu'un nabi, un prophète, un messager, ne tue même pas une fourmi et ses soldats aussi, parce que lui, il commande ses soldats. Les soldats suivent toujours le chef. Si le chef est bien, tous les soldats sont bien. Si le chef est un, yani, quelqu'un qui opprime, quelqu'un qui est valim, tous les soldats sont des valama. Ici, le chef est bien. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit, inna fir'auna wa junud, inna fir'auna wa qaruna, fa'afun, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Allah Azza wa Jalla a dit, inna fir'aun et haman, son wazir, son ministre, et les soldats étaient tous en faute. Pourquoi? Parce que j'ai dit, quand le chef est bien, tous les soldats sont bien. Si le chef n'est pas bien, les soldats seront bien. Donc la fourmi a su cela et elle a dit, s'ils vous tueront, c'est yani, ils n'ont pas fait exprès. Ensuite, remarquez, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, c'est quelque chose d'étonnant, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit, c'est-à-dire la fourmi a dit, la yahtamannakum Sulayman wa junuduhu. Elle a dit, attention, rentrez, je vais dire exactement ce que ça veut dire en français, rentrez dans vos trous pour que Sulayman et ses soldats ne vous cassent pas, ne vous démolissent pas. Allah l'a dit, une fourmi, ça se démolit pas. Eh bien, ça se démolit. Les ulama, les savants, bien cherchés dans la fourmi, ils ont trouvé qu'elle a à l'intérieur de son corps, elle a le ver. Le ver, c'est la huppe. Naam, je crois que c'est la huppe. Les ulama ont trouvé que la fourmi contient du ver à l'intérieur. C'est comme le ver d'une bouteille, etc. Le ver, par exemple, caisse ou là, un verre d'eau ou là, une bouteille d'eau, elle est formée en quoi? Elle est formée en verre. Ils ont dit des fourmis, c'est quelque chose qui a été découvert, ça fait seulement quelques années, peut-être 5, peut-être 6 années ou là. Ils ont découvert que la fourmi contient le verre à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle a dit, elle, attention, la yahtimannakum tahtim, il va vous démolir. Elle n'a pas dit, attention, Sulayman va vous tuer ou vous écraser. Elle a dit, non, va vous démolir et va vous casser, la chose qui se casse, c'est la plupart, c'est parce qu'elle était en verre. C'est pour ça qu'elle a employé ce mot. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, il nous a interdit de tuer quelques animaux, entre autres nimla, la fourmi, ensuite nahla, l'abeille, ensuite abdifda, la grenouille, ensuite le hudhud, la huppe, ensuite Assorad, c'est la pigrièche, c'est un animal noir, assez gros, noir, mais qui a un peu de blanc sous son ventre. Ces cinq, l'islam a interdit de les tuer. Je répète, il a dit la fourmi, l'abeille, la grenouille, le hudhud, la huppe, et Assorad, cet animal, cet oiseau, qui a assez, yani, il a une tête assez grosse. Mais ensuite, il a, au contraire de ces animaux, ces bêtes, il y a d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a permis de les tuer, même si tu es à Médine ou la fille Mecca. Pourtant, quand on est en plein Hajj ou là, en plein Umrah, on doit rien tuer, ça vous le savez. Mais il y a 5 ou 6 choses que tu peux le tuer, même en plein Hajj ou en plein Umrah. Non, donc c'est bien l'Aup, pour le Hudhud c'est l'Aup. Ouais, ça vient d'être vérifié maintenant. J'ai dit, mais il y a 5 ou 6 animaux que tu peux tuer, même quand tu es ihram, quand tu es en plein Hajj, où c'est interdit de tuer une mouche, ceux-là tu peux les tuer. C'est quoi? Il a dit, Al-Hayya, le serpent. Si je veux dire tu peux les tuer en plein Hajj, ça veut dire que quand tu es à la maison ou là chez toi, yani, c'est pas la peine d'en parler. Si tu peux les tuer en plein Hajj, ça veut dire à la maison, bien sûr. Donc, le serpent, Al-Aqrab, le scorpion, Al-Kilb Al-Aqour, Kilb Al-Aqour, le chien, l'Aqour c'est pas l'enragé, c'est le chien qui mange les gens, qui mord les gens. Il y a le chien qui est normal, il ne fait rien. Il y a les chiens qui mordent. Il a dit Al-Fa'ara, la souris. Il a dit Al-Ghurab Al-Abqa. Il a dit le corbeau il est toujours noir, ça, mais celui-là il a un peu de blanc. C'est très rare de le trouver. C'est pour ça que lorsqu'on donne un exemple, on dit cette chose est rare, mitl Al-Kibrit Al-Ahmar ou Al-Ghurab Al-Abqa. On dit cette chose est rare comme le corbeau Al-Abqa. Al-Abqa, le corbeau noir qui a une petite tache sous son ventre, il y en a blanche, ça c'est presque impossible de trouver. Donc celui-là, si on le trouve, on le tue. Et ensuite il a dit Al-Hida'atu. Al-Hida'atu c'est quoi? C'est aussi un oiseau difficile à vous le dire. J'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai pas trouvé. Dans le dictionnaire, il a dit c'est le cerf-volant. Le cerf-volant, c'est moi ce que je sais, c'est pas un oiseau. Le cerf-volant, c'est quelque chose qu'on construit, on laisse monter avec un fil quand il y a du vent. Donc Had'atu, je crois pas que ça soit la pile, Had'atu Ali, non. Je vais vous dire c'est qui, Had'atu Ali. Ça s'appelle aussi l'Hdaya. C'est la pile. Je parle de l'Had'atu, hein. Je parle de l'Had'a. Ça s'appelle aussi l'Had'atu, ça s'appelle l'Haddayatu. Ça s'appelle c'est un oiseau, si vous l'avez remarqué, ceux qui habitent la campagne, etc. C'est un oiseau qui a quelque chose de spécial, il a une particularité, il peut s'arrêter en plein ciel. Il peut s'arrêter en plein ciel. Comme ça, les ailes ouvertes, et il s'arrête une minute, deux minutes comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit par exemple un poussin, il ne peut pas prendre une poule. C'est un peu grand pour lui. Il voit un poussin, il descend et il le prend avec son bec. Tous ceux qui ont habité la campagne savent cela. Ça s'appelle, en Algérie, on dit l'hdaya. Dans la campagne, on dit l'hdaya. L'hdaya, quelque chose de noir qui vient comme ça en haut. C'est pas l'aigle, c'est pas le faucon. Il n'y a pas l'aigle et le faucon en Algérie. S'arrête comme ça, ensuite il descend, il prend les petites poules et il prend les poussins. Si l'islam a permis de les tuer. Je reviens aux autres. Quand j'ai parlé de la fourmi, les choses qu'on tue pas, j'ai parlé de la fourmi, de l'abeille, de la grenouille, de l'houdhoud, la huppe et de swarad. Hado, on ne les tue pas à condition qu'ils ne nous font pas de problème, s'ils ne sont pas nuisibles. Maintenant, s'ils sont nuisibles, tu peux les tuer. Si une abeille te tue, une abeille te pique, tu peux la tuer. Si une grenouille te fait des machins qui te mord, tu peux la tuer. Toute chose nuisible, on peut la tuer. Et ici, il y a une règle, je voudrais que vous l'appreniez. Il y a une règle, je l'ai lu une fois dans un des livres de Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Il a dit une règle, elle m'a beaucoup plu cette règle. Il a dit, tout animal ou tout insecte ou là, que Allah Azza wa Jal, ou bien que l'islam, t'a ordonné de tuer, ou t'a interdit de tuer, il est illicite de le manger cet animal. Subhanallah. Tout animal que l'islam ou Allah Azza wa Jal, son prophète, t'a dit de tuer, comme je viens de dire ici, le serpent, le scorpion, etc., ou bien t'a interdit de tuer. La fourmi, l'abeille, il a dit tout ça, ça ne se mange pas. Essayez-vous, Agda, quand vous êtes assis, essayez, prenez des cas Agda, vous allez voir que la règle est très très juste. Elle est parfaite. Chaque animal que on t'a dit de tuer, ou il est interdit de tuer, c'est interdit de le manger, ça ne se mange pas. En ce qui concerne la grenouille, parce que le hadith du prophète Salazim a montré certains animaux, pourquoi par exemple on ne doit pas les tuer, d'autres il n'a pas montré. La grenouille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innaha tusabbih, elle dit subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. C'est pour ça qu'on ne la tue pas. Et la plupart des gens qui tuent la grenouille, pourquoi on va tuer une grenouille? Qu'est-ce qu'elle nous fait? La plupart des gens qui tuent la grenouille, c'est pour faire de la sorcellerie ou l'ayadu billah. Non, ils l'emploient beaucoup pour faire la sorcellerie. Donc la grenouille, comme je viens de dire, ne se mange pas. Parce que certains croient que la grenouille se mange. Ils vont dans des restaurants, ils me disent donne-moi les cuisses de grenouille. Et ça ne sait pas que la grenouille ne se mange pas et qu'il y a un hadith qui dit qu'il ne faut pas tuer la grenouille. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih, il a dit, non, il a dit, ma min zanbin ajdar an yu'ajjil Allah uqubatahu fi dunya, ma'a ma yudakhal li sahibi fi l'akhira min al-baghi wa qati'at al-rahim, wa fi riwaya ukhra, wa uquq al-walidayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous savez, tous les péchés qu'on fait, des fois on a ici, yani l'iqab, le châtiment. Des fois on n'a rien ici, on le laisse là, on le laisse pour l'au-delà. Pour l'au-delà. Il a dit, mais il y a deux ou trois choses. Quiconque les fait ici, il ne mourra pas avant de voir le iqab ici, plus ce qu'il attend là-bas. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a trois choses. Quiconque les fait, le prophète alayhi salam a dit, il aura ici d'abord le iqab, le châtiment ici, ensuite il l'aura dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, bien sûr, et grave. Il a dit le premier, al-baghi, الذين يبغون على الناس. Al-baghi, ce sont les gens, par exemple, qui, comme on voit maintenant, par exemple, qui marchent dans la rue, par exemple, qui trouvent un faux barrage. Il y a des gens avec des armes qui t'attendent, hein, ils se prennent ce que tu as, ils tuent, etc. Ce sont al-bourrette, ce sont al-baghi. Il n'y a pas quelqu'un de ceux qui font cela, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir avant de voir son châtiment ici, avant l'au-delà. Le deuxième, le prophète Hassan a dit, Qati'atur rahim. C'est quand quelqu'un se dit, je ne vais plus parler avec mes proches, je ne vais plus parler avec ma tante. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus chez mon père, je ne vais plus chez ma mère, je ne vais plus chez mon frère, je ne vais plus chez ma soeur. Les ulama ont dit, comment on sait Qati'atur rahim? La famille, elle peut être très grande. Mon cousin, ses fils sont leurs fils, c'est quoi aller la famille? C'est beaucoup, ça peut être très vaste, c'est très grand. Les ulama ont dit, Ar-Rahim, ce sont ceux qui, si tu meurs, ils vont t'hériter. Et s'ils meurent, eux, toi, tu vas les hériter. Donc toi, si tu veux savoir, tes Rahim, si tu les joins, ou bien tu les as, yani, tu as coupé avec eux, tu vois qui? Tu vois quiconque, qui, s'ils meurent, va quoi? Tu vas l'hériter. Ou bien si toi tu meurs, il va t'hériter. Le prophète Al-Islam a dit, quiconque yani, rend les liens avec l'un de ceux-là, il aura le châtiment ici avant qu'il ait le châtiment le jour du jugement dernier. Et bien sûr, là j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que sauf, il est permis de rompre, sauf si c'est à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu sais que si tu vas chez quelqu'un, depuis que tu rentres, il va dire des choses que Allah n'aime pas, ou bien il a le vin devant toi, comme ça il veut boire devant toi, il veut pas cracher la bouteille, etc. Celui-là, moi je ne pars pas chez lui, c'est pas parce que je ne veux pas faire les liens avec lui, mais parce que Allah ne veut pas le haram qu'il a lui. Donc celui-là, je peux, il y a un autre moyen, maintenant c'est très facile, le téléphone. C'est pour ça que les ulama disent, quand quelqu'un par exemple est loin de son pays ou là, comment qu'il sait? Il a le téléphone. Ça, c'est une façon de pas rompre. Quand tu téléphones à quelqu'un, c'est comme si tu l'avais vu. Comment vas-tu? Tu demandes à lui, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Inch'Allah, on se verra très bientôt, etc. Had, Inch'Allah, au moins il a fait ce qu'il pouvait. Et bien sûr, celui qui est dans le même pays, préférence, la meilleure des choses, c'est d'aller voir la personne, c'est d'aller la voir. Mais s'il peut pas, au moins le téléphone, au moins. Maintenant, il y a des gens qui restent 3h, 4h. Non, j'arrête sur la table. Il y a des gens qui restent 3, 4, 5 mois, ils ne téléphonent pas à leurs proches. Et la troisième des choses, avec laquelle j'arrête, Inch'Allah ta'ala, c'est quoi? Il a dit al-baghi, ensuite il a dit al-rahim, la famille, ensuite il a dit uquq al-walidayn. Il a dit celui qui n'obéit pas à ses parents. Celui qui n'obéit pas à ses parents, c'est une personne qui, avant de mourir, il faut qu'elle sache qu'elle était fautive. Et Allah montre aux gens que celui-là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. pour que les gens sachent que c'est quelque chose de grave. Sauf quand c'est, bien sûr, sauf quand c'est quoi? Quand c'est aussi en la cause d'Allah. Maintenant, si c'est mon père qui me dit tu vas pas faire la prière, ou bien tu n'es pas mon fils, je lui dis pardon, je suis pas ton fils, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Si mon père me dit tu vas pas te marier avec celle-là parce qu'elle a le hijab, tu te maries avec celle-là qui a la mini-jupe, sinon tu n'es pas mon fils. Je lui dis pardon, alors je suis pas ton fils, et on arrête là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pourquoi? Parce que il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que nos pères, nos enfants, nos mères. Si on aime quelqu'un plus que Allah subhanahu wa ta'ala, khalas, on est rentré dans le shirk et on a plus de l'iman. Là, je vous ai dit, il faut obéir aux parents, il faut les aimer, il faut faire tout ce qu'ils veulent. Il a dit, sauf à condition que ça soit quelque chose qui soit contre moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu te pousses à ce que tu fasses la chose que je n'aime pas, ou que tu fasses du shirk, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, ne les obéis pas dans ce cas. Et quand tu, dans ce cas, tu vas pas les obéir, ça veut dire quoi? Le fait de désobéir, c'est une obéissance à Allah, subhanallah azzawajal. C'est Allah azzawajal qui t'a dit d'obéir aux parents. C'est lui qui t'a dit, il faut obéir. Il a dit, c'est juste après mon obéissance. Il y a mon obéissance et celle du prophète, ensuite l'obéissance des parents, avant tous les gens. Mais il a dit, à condition que ça soit contre quelque chose contre moi. Si c'est contre moi, le fait de leur désobéir, je te donne un ajr, je te donne des hasanats. Pourquoi? Parce que tu as appliqué ce que j'ai dit. Je t'ai dit, ne les obéis pas quand c'est quelque chose qui a rapport avec l'islam, qui a rapport avec le din. Et vous connaissez l'histoire, bien sûr, de la femme qui a voulu mourir, qui est restée beaucoup de temps sans manger, c'est à cause de son fils, pour qu'il ne soit plus, quoi? Pour qu'il ne soit plus, mais qu'il lâche l'islam, et il rentre, et il revienne à ce qu'il était dans le coffre. Elle lui a dit, tu sais, sinon je vais mourir. Il lui a dit, Allah, même si tu meurs 30, 40 fois, Yani, excuse-moi ma mère, mais ça m'est égal, je peux pas moi, Yani, je vais rentrer en enfer demain, je vais rencontrer Allah Azza wa Jalla en colère contre moi, à cause de toi, Yani, c'est impossible. Donc voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Et je me rappelle, moi, ça fait pas longtemps, je voyais quelqu'un, Yani, avec une seule jambe, et Yani, je voyais Yani que... Il marchait difficilement avec une seule jambe impliquée, bien sûr, mais quand même, yani, des fois on a une seule jambe et on a pas mal. On marche normalement avec le piqué. Mais celui-là, avec un seul pied, il avait beaucoup de difficultés, etc. Ensuite, quelqu'un qui connaissait bien, il m'a dit, tu connais celui-là? Je lui ai dit, non, je ne le connais pas, mais je le vois toujours ici. Il m'a dit, celui-là, je l'ai vu de mes propres yeux frapper sa mère avec un coup de pied. Il m'a dit, moi, je l'ai vu, c'est pas quelqu'un. Moi, je l'ai vu frapper. Maintenant, moi, j'ai oublié. S'il m'a dit sa mère ou son père, il m'a dit l'un des deux. Avec un coup de pied. Je me suis dit, subhanallah, c'est ça, donc le hadith. Il n'est pas mort avant que son pied ne soit coupé. Subhanallah, l'adim. Hada, c'est dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il attend dans l'au-delà? Je m'arrête ici, inshallah ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 5 ou 10 minutes. Préparez vos questions, inshallah. Je ne vais pas tarder beaucoup avec vous. Il est déjà chez moi ici, minuit 5. À 1h, inshallah ta'ala. 1h, ça veut dire dans 1h. Une heure à partir du moment où je commence. Dans une heure, inshallah ta'ala, on s'arrête. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il saute. Ah, alaikum salam. Naam. Salafi tafadhal, alhamdulillah, haqqa hamdi. Salatu salam ala rasulihi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tafadhal. Inch'Allah, je souhaite que les questions aient un rapport avec le DAS, au moins les premières. Tafadhal, salafi. اخ مسلم كولا تفضل بارك الله فيك ممكن سلفي اون تران ديكريرو لا تفضل مسلم كولا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Alors, ça concerne les liens familiaux. Eh bien, en fait, mon père est mort, rahimahullah. Il est resté de sa famille que sa soeur, qui est donc ma tante. En fait, je ressemble fortement à mon père. Alors, elle t'aime beaucoup, ta tante. Wallahid, naam. Quand tu termines, tu m'écris moi un. Un, ça veut dire je te réponds. Pour que je sache que je ne vais pas. D'accord. Donc, ok, tu as terminé ou là, ok, tu m'écriras un. Qu'est-ce que ça veut dire ok, si tu as terminé ou là, tu m'écriras un. Ça a deux sens. Ok, je termine. D'accord. Alors, ça veut dire je comprends. En ce qui concerne la réponse à ta question, je la lis très vite, hein, je la lis très vite. Mon père est mort à l'Ahmatullah, il est resté sa famille, sa soeur, qui est donc ma tante. En fait, je ressemble beaucoup à mon père. Alors, chaque fois que je vais la voir pour l'Aïd, elle partait dans un coin et se mettait à pleurer. Et j'ai entendu dire que quand on pleure trop sur un mort, l'âme du mort se met à brûler. Donc je ne supportais plus qu'elle pleure et depuis je ne suis plus allé la voir. Suis-je concerné par le hadith? Il faut savoir que ma mère ne s'entend pas bien avec elle. Non, le fait que ta mère ne s'entende pas bien avec elle, ça n'a rien à voir. Quand on fait quelque chose en Allah, on l'a fait en Allah. Maintenant, même si mon père, moi, ne parle pas avec quelqu'un qui est pieux, ça ne veut pas dire que moi, à cause de mon père, je ne vais pas parler avec le pieux. Peut-être je ne vais pas le faire devant mon père, je vais le faire en cachette, mais ce n'est pas parce que lui, il a fait une faute, moi, je fais la faute. Donc ta tante, Inch'Allah ta'ala, tu vas la voir, et quand elle pleure, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit, le hadith de l'âme, son âme se met à brûler. Naam, il y a un hadith qui dit que yani yu'adabu bi buka'i ahli 'alayh. Les ulama ont dit, quand quelqu'un sait avant de mourir que l'habitude de sa famille, par exemple, quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un meurt, ils vont faire ce qu'on appelle niyaha, ils vont pleurer yani fort à haute voix et se déchirer, par exemple, les joues, etc. Il y a beaucoup de femmes qui font cela. Celui-là, le hadith a dit, il doit leur dire avant de mourir que je suis désengagé. Si je meurs, vous faites cela, je m'en désengage. Mais s'il sait qu'ils font cela, il leur dit pas, il les laisse. Quand il meurt, si eux, ils vont faire cela, lui, il va avoir des problèmes dans sa tombe. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'ils ont cette mauvaise habitude. Il ne leur a pas montré, il ne leur a pas dit, ne faites pas ça pour moi. Mais toi, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Elle pleure seulement. Pleurer quand on voit quelqu'un qui nous rappelle un autre, un mort, et on pleure, c'est quelque chose de très normal. Surtout qu'elle t'aime. Maintenant, toi, tu as fait la faute de la laisser encore seule et de t'éloigner d'elle. Fahaoul, inshallah ta'ala, de garder une bonne relation avec elle. Inshallah, tu auras des ajr. Wallahu ta'ala alam. Khadija 59, tafadhali. Muslim, je ne peux pas répondre à deux questions. Barakallahu fik. Excuse-moi cette fois, parce que je vois qu'il y a 10 ou 12. Non, je vois qu'il y a 10 ou 12 qui attendent. Et je vais finir très vite. Non, demain, inshallah, je te répondrai. Khadija, tafadhali. Non, Hadi. Walaikum salam, salam barakatou, mafiltou. Cheikh, frère, sur le salon, tout d'abord, Cheikh Barakatou, pour le temps que vous nous donnez, pour les choses que vous apprenez. Naam, je dis à Sakina et Omar Abdallah de temps en temps de dérouler la liste pour voir s'il y a quelqu'un qui s'appelle Mourni ou bien son nom commence par Mourni. Mourni, parce qu'il m'a posé une question à l'email, je voudrais lui répondre. Il n'est pas là, c'est pas la peine de lui répondre. Je voulais juste savoir si vous pouviez reprendre le hadith Allah Ta'ala, il dit une personne et Naam. Le hadith est dans le Bukhari et je vais le dire ici. Si tu parles de l'histoire que j'ai racontée maintenant, c'est bien sûr, l'histoire n'était pas dans le livre. Hein. Moi, quand je vous lis quelque chose, yani, j'ajoute beaucoup de choses de moi. Le hadith a dit ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما ensuite الله عز وجل fait descendre l'aya يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا. Si tu veux yani, je te raconte l'histoire ou là je te dis le hadith, dis-moi si vous connectez les noms des personnes qui disent ce hadith, si vous connaissez les noms des personnes qui disent ce hadith, il y a le nom dans l'explication. Dans l'explication de ce hadith, il y a les noms. Maintenant, je ne les ai pas ici. C'était juste une note que j'avais mise moi comme ça sur le livre. le hadith il est dans le Bukhari. Dans le Bukhari, c'est un hadith sahih. Si tu veux, inchallah ta'ala, la prochaine fois, je t'apporte l'histoire avec qui exactement, l'homme et la femme. Si tu veux ça, je vais l'écrire maintenant. Fais saute, barakallahu fikoum. Fais saute. Est-ce qu'il y a du son ou là, il n'y a pas? Naam. Subhanallah al-Azim. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Je parlais avec qui la sœur, comment qu'elle s'appelait? Naam, elle a posé la question. Ça, elle va sortir. Ça s'appelait Khadija. Naam, Khadija 80. Khadija 59. Khadija 59. La soirée, elle revient. D'accord, on attend un peu qu'elle revienne. Elle n'entend pas. On profite avec Abu Idriss, Inch'Allah. Abu Idriss, tafadal, barakallahu fik. Abu Idriss, tafadal. Non. Non, Abu Idriss. Abu Idriss, tafadal, c'était en bleu rouge, tafadal. Non. Faut se caler d'abord, Khadija 59. Khadija 59, si tu m'entends, tu écris 1. Tu m'entends, tu écris 1. Naam, je l'ai débloqué. Si elle m'entend, elle écrit 1. Je lui ai enlevé le point rouge. Naam, je n'ai pas compris. Si tu voulais aller toute l'histoire, que je la répète, ou là tu veux seulement le hadith, parce que je viens de rentrer dans Fath al-Bari, qui a expliqué Sahih al-Bukhari, il a dit... Ibn Hajj al-Asqalani, il a dit j'ai pas trouvé le nom. Il a dit j'ai pas trouvé le nom de la femme. J'ai pas trouvé le nom de l'homme et de la femme. Tu veux que je te lise le hadith, Inch'Allah ta'ala? Tu veux que je te lise le hadith? Si oui, dis-moi un. Hein, si tu veux que je te lise le hadith. Naam. Donc, anna rajulan ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa ba'ata ila nisa'ih. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à ses femmes. pour voir qu'est-ce qu'ils avaient comme manger. فَقُلْنَا مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَا. Elles ont dit, on a rien que l'eau, on a l'eau seulement. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ مَنْ يَظُمُّ أَوْ يُضَيِّفُ هَذَا. Donc le prophète a proposé à ses compagnons, quiconque de vous peut inviter par exemple celui-là chez lui. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَنْصَار. Quelqu'un des Ansar a dit, et je viens de dire, il n'y a pas son nom, même Ibn Hajj n'a pas trouvé. Quelqu'un des Ansar a dit, Anna, il a dit moi. Il a dit, فَانْتَلَقَ بِهِ لَا مْرَاتِهِ. Il l'a pris chez son épouse. فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ. Il lui a dit, yani, fais le possible, etc. Fais le mieux ce que tu peux. C'est l'invité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قَوْتَ. مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ سِبْيَانِ. Elle a dit, on a dans la maison que le manger des enfants. Le manger des enfants. فَقَالَ هَيِّئِ طَعَامَكَ. Il a dit, prépare le manger. وَأَصْبِحِ سِرَاجَكَ. Et éteindre la chandelle. وَنُوِمِ سِبْيَانَكَ. Et fait dormir les enfants. إِذَا أَرَادُ عَشَاءً. Si tu vois qu'ils veulent manger, fais-les dormir. Elle a dit, elle a préparé le manger. Elle a éteint la chore ou l'a laissé juste un peu, il ne montre pas beaucoup. Elle a fait dormir ses enfants. Ensuite, elle s'est levée. C'est comme s'il voulait, par exemple, elle voulait. La chandelle, elle a, par exemple, elle avait des problèmes avec la chandelle. Elle voulait la réparer. Elle donne pas beaucoup de lumière. Elle voulait la réparer. Elle a fait exprès. Elle a fait éteindre la chandelle. Hein, pour faire croire à l'homme qu'elle voulait, par exemple, réparer la chandelle pour qu'elle donne beaucoup de lumière. Alors, elle a fait ceci pour l'éteindre. Elle l'a éteinte. Elle a éteint. Et ils ont fait semblant de manger. Tabata taouyen, mais en fin de compte, ils se sont endormis avec le ventre creux. Falamma asbaha, quand c'était le jour, l'homme est allé, rada ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit, dhahikallahu laylata. Il lui a dit, Allah azza wa jil a ri hier, ou ajiba, ou bien il s'est étonné, min fi'alikuma, de ce que vous avez fait. Ensuite, Allah azza wa jil a fait descendre le verset, يُقْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. Ils sacrifient la chose même si leur âme la veut. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Même s'ils ont une très grande faim. Le hadith, c'est dans le Bukhari, numéro 3514. Hadith numéro 3514. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Idris, tafadhal. Fiki barakallah. Abu Idris, c'est la deuxième fois, troisième fois, peut-être qu'il n'écrit pas. Ça ne fait rien pour ne pas trouver. J'ai dit, celui-là, Mourni, s'il vient seulement dans la liste, tu me dis, parce qu'il a posé une question hier, c'est tout. S'il vient pas, khalas. Salafiya, masha'Allah, tafadhali. Salafiya, masha'Allah. Naam. Quand il sera minuit chez vous, inshallah ta'ala, vous me dites, tu m'écris en bas en rouge, il est minuit. Ou plutôt, il est 1h du matin. Quand il sera 1h du matin, tu me dis, ou là, une nuit, ou là, je ne sais pas maintenant, il est. Là, minuit chez vous, inshallah. Minuit chez moi, 1h. Salafiya bi'idhnillah, tafadhali. وعليكم السلام ورحمة الله. جبت بس يجت أخي معلش ما فيش مشكلة. أبو معاوية تفضل بارك الله فيك. أبو معاوية تفضل. Est-ce que vous pouvez faire un rappel sur le haq des parents, le comportement avoir envers eux, بارك الله فيك. نعم. Les parents sont classés juste après l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui est allé vers lui, il lui a dit je vais faire le djihad, et j'ai laissé ma mère en train de pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit reviens vers ta mère et fais-la rire comme tu l'as fait pleurer, et sache que le paradis se trouve sous, au-dessus de ses pieds. Et sache que le paradis se trouve au-dessus de ses pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a montré qu'il fallait yani, obéir à ses parents, il a montré bien sûr que la mère, on lui obéit beaucoup plus, vu que elle a beaucoup souffert par exemple par rapport à l'homme. Elle a beaucoup plus souffert par exemple par rapport à l'homme. Déjà, ce qu'elle a souffert quand elle était enceinte et avant d'accoucher, après l'accouchement, lui suffit. Mais en principe, si quelqu'un a vraiment de la vraie croyance, il doit gagner la première, la deuxième des choses sur laquelle il doit insister, c'est essayer de rendre ses parents yani, réjouis de lui. Car quiconque meurt et l'un des parents n'est pas réjoui de lui, c'est un grand problème pour lui demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce sont tes parents qui ont été la cause pour que tu sois maintenant, toi tu existes. Allah azza wa jalla les a mis comme cause, ils t'ont enfanté. Si ce n'était pas eux, tu ne serais pas là aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi depuis la naissance? Combien qu'ils ont couru, combien qu'ils ont souffert pour que tu grandisses, combien de fois ils sont pris chez le médecin, combien de fois ils sont fait habiller ta mère, combien de fois t'as lavé, t'as enlevé des excréments, combien de fois ils ont souffert. C'est pour ça que quiconque dit moi je veux pas les obéir, c'est comme s'il avait dit je veux pas obéir à Allah, car leur obéissance a été conditionnée par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui nous ont ordonné de les obéir. Leur désobéissance inclut ou la induit directement à la désobéissance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, je me suffis de cela. Quand il y aura inch'Allah un dars spécialement sur cela, inch'Allah ta'ala, j'en reparlerai inch'Allah ta'ala beaucoup plus. Wallahu ta'ala a'lam. Abu wa ummu lina, tafadhalu. Ce n'est pas de la désobéissance. Sakina, ce n'est pas de la désobéissance. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah wa cher, quand quelqu'un se dispute sévèrement avec ses parents et la faute est sur les parents inshallah et donc ne se parle plus, est-ce que c'est grave de ne plus leur parler pendant plusieurs mois et laisser le temps pour se reparler petit à petit? Allah yajazik. Naam, j'ai dit que la dispute premièrement ça dépend, elle est en quoi, s'il y a quelque chose de ce bas monde, si c'est en quelque chose de ce bas monde, c'est presque toujours nous les fautifs. Quand il te dit donne-moi la voiture, ou là il te dit ta maison me plaît, laisse-la ta maison, va dans une autre maison, va louer une autre maison, etc. Tout ça, c'est nous les fautifs si on ne va pas obéir. Parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'au-delà, quelque chose ce bas monde de futile, etc. Mais si c'est quelque chose qui va à l'encontre du dîn, il te dit ne fais pas la prière, ne te marie pas avec la pieuse, marie-toi avec l'autre, avec celle la perverse, etc. Dans ce sens, on ne leur obéit pas, mais on peut, même sans leur désobéissant, on peut yani, se montrer bien avec eux, etc. C'est pour ça que quand il me dit par exemple ne fais pas la prière, je la fais, mais à part cela, je lui fais tout ce qu'il veut. Hein, je lui désobéis dans la prière. Mais toute chose qui n'a pas de rapport avec la religion, je dois lui obéir. Ça veut dire, s'il me dit, tu me laves les pieds et tu les embrasses, je dois le faire. Car, Esma, radiallahu ta'ala, anha, la sœur de Aïcha, a dit, comme dans le Sahih, dans le hadith de Bukhari, a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mari de sa sœur, elle lui a dit à ma mère, c'est une mouchrika, c'est une mécréante, elle n'est pas rentrée en islam, elle a ses lois. Est-ce que je laisse des liens avec elle et je lui donne de l'argent, etc. Il lui a dit oui. Yani, tu dois avoir des liens avec elle, tu dois l'aider, lui donner de l'argent, etc. Donc la désobéissance, c'est seulement au niveau de quoi? Au niveau du dîn, de la religion. Autre chose, s'il te demande de lui, laver les pieds, tu dois les faire au père et à la mère. Car c'est Allah Azza wa Jal qui t'a dit cela. Donc, toi tu ne vas pas dire c'était exactement à cause de quoi. Ensuite, autre chose, ensuite, yani, plus tu essayes de faire les liens, plus c'est mieux. Plus tu essayes, que ce soit toi le premier yani qui aille vers eux et qui yani essaye de yani essaye de les rapprocher vers toi, etc. Inch'Allah ta'ala, tu as un grand ajr. Inch'Allah ta'ala, tu as un grand ajr. En principe, un vrai croyant, à chaque fois yani qui dit quelque chose ou là il se dispute ou là il dit quelque chose, yani après une demi-heure ou là une heure ou là un jour ou là, il leur téléphone ou là il va chez elle, etc., etc. Naam. Ils ont calomnié leur belle-fille. Naam. Ceux-là, bien sûr, ils ont fait une grande faute. Ceux-là, ils ont fait une grande faute en islam, bien sûr. Yani, c'est pour ça que on doit leur faire comprendre, yani, qu'ils sont en faute et qu'ils ont fait un grave péché. Quand on fait quelque chose comme ça, on a fait un grand péché et un grave péché envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à part cela, quand ils demandent quelque chose ou là, yani, de temps en temps il y a quelque chose ou là chez eux ou là une cérémonie ou là, tu vas inshallah ta'ala et tu laisses yani ton cas chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu laisses ton cas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas la peine qu'elle leur parle plus, yani elle laisse, elle leur parle, mais yani c'est pas comme auparavant, femme, c'est pas comme auparavant, mais elle ne coupe pas le lien pour de bon, elle ne coupe pas le lien pour de bon, elle laisse yani comme ça dans les cérémonies, etc. Et Allah Azzawajal sait que ce qu'ils ont dit était des mensonges. Allah Azzawajal sait que ce qu'ils ont dit, ce sont des mensonges. C'est elle qui a les ajr, et si elle va, etc., c'est elle qui a les ajr. Tant pourquoi? Parce que Allah Azzawajal sait que c'est elle la pieuse et eux les menteurs. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Idris, tafadhal. أبو إدريس توكل على الله سبحانه وتعالى. يقال أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن توكل على الله سبحانه وتعالى تفضل. وبيسك أبو إدريس يقال خليهم بارفير ديسون. Alaykoum salam, wa barak. Y a-t-il un hadith nous prouvant que le prophète alayhi salam a rencontré Ya'juj et Ma'juj et leur a fait la da'wah, sachant que parmi eux il y a des croyants, lorsqu'ils diront inshallah ta'ala, le trou creusé restera jusqu'au lendemain, ils pourront sortir, barakallahu fik. Ah, la plupart sont en Sat Risha, c'est leur enfance, c'est leur la prière en France. Naam. Donc, Akhi Abu Abdurrahman, il n'y a pas un hadith sahih qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Ya'juj et Ma'juj. Si tu as trouvé un hadith, ça veut dire qu'il n'est pas vrai, il n'est pas sahih. Mais il y a un hadith qui est vrai, authentifié par l'Albani et les autres, je crois même Bukhari, qui dit que ils vont creuser, ils ne diront pas Inch'Allah. Mais que le jour où ils diront Inch'Allah, ils se souviendront, ce jour-là, ils sortiront de leur caverne et de leur trou. Celui-là, c'est un hadith sahih. Mais le premier qui dit que le prophète alayhi salam les a rencontrés, c'est pas un hadith sahih. Wallahu ta'ala alam. Abbas, tafadhal. Pardon une seconde, je vais vous répondre. Abbas a dit, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, est-ce que lorsqu'un chien touche nos vêtements avec sa salive ou laisse des poils sur nos vêtements, est-ce que c'est najasa? Est-ce qu'on peut faire la prière avec ces mêmes vêtements? Barakallahu fik. En ce qui concerne les poils, ce n'est pas la najasa. Les poils du chien, ce n'est pas la najasa. Mais lorsqu'il tu as dit quoi, touche, non, lorsqu'il lèche avec sa bouche, tu prends un peu d'eau et tu mets dans l'endroit où il la met, juste comme ça par en haut, hein. C'est pas la peine de laver, tu mets avec ta main comme ça, tu jettes un peu d'eau sur l'endroit, tu frottes comme ça avec ta main, c'est comme ça qu'on dit, les ulama ont dit, mais les sept fois, laver les sept fois, ça c'est quand il lèche une assiette ou une marmite, hein, il mange avec sa bouche, il lèche, il boit de l'eau là, mais ils ont dit, si c'est un vêtement, seulement une fois. Mais ses poils n'ont rien à faire. S'il te touche seulement avec tes poils, il passe devant toi, il te touche avec tes poils. Sans te lécher, tu n'as même pas besoin d'eau. Wallahu ta'ala a'lam. Ministère, tafadhal. Abu Abdurrahman, fika barakallah. Ta soeur qui m'a parlé du taïmoum, je lui ai répondu qu'on commençait avec, c'est absent hier. D'accord, demande-lui si elle ne connaît pas la réponse, je lui réponds. Demande-lui si elle ne connaît pas la réponse. Et si c'est elle qui m'a parlé, est-ce qu'on commence par les mains ou le visage? Si c'est elle, dis-le moi pour que je lui réponde, inshallah ta'ala. D'accord, je lui réponds le temps que... D'accord, le temps que les autres posent la question. J'ai dit, ma soeur, que dans le taïmoum, on commence de préférence avec le visage. Car Allah Azzawajal a commencé par le visage. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Il a dit, essuyez vos visages, ensuite vos mains. Et le prophète A.S. a dit, abda'u bima bada'a bihi Allah. Il a dit, je commence avec quoi Allah a commencé. Il a dit ça quand il est parti au Hajj. Inna as-safa wal marwa min sha'illah. Ensuite, il a dit, l'Azul a commencé par la Safa, je commence par la Safa avant le Marwa. Ce sont deux petites montagnes. Il se disait, est-ce que je commence par la Safa ou bien par le Marwa? Il a lu le ayah, le verset, il m'a Safa ou le Marwa. Il a dit donc, Abda'u bima bada'a bihi Allah. Je commence avec la chose que Allah avec laquelle il a commencé. La même chose ici avec Taïmoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu, il a commencé par le visage, ensuite il est allé aux mains. Et il y a un autre hadith où il a commencé par les mains, mais il est plus ou moins faible. Il est plus ou moins faible. C'est pour ça que ceux qui ont dit on peut commencer par la main, c'est un peu ce qu'ils ont dit, c'est un peu faible. Car on ne doit pas laisser un hadith sahih clair qui a dit il a commencé par le visage pour aller un hadith dont les ulama ont parlé sur lui. Wallahu ta'ala alam. Voilà ce que j'ai voulu dire. Ministeri et Aladdin n'ont pas posé leurs questions. Abdul Muslim, tafadhal. Je crois qu'il soit à la salade, comme il a dit l'autre. Soit à la salade. Aladdin dit, salam alaykoum wa rahmatullah. J'ai pas assisté au cours, peut-être avez-vous déjà répondu à ceci. Que pour que Adam alayhi salam ait une descendance, il a fallu que les enfants se marient entre eux. Ma question de savoir comment s'est fait la descendance de Adam alayhi salam, barakallahu fik. Naam. Adam alayhi salam, Allah Azza wa Jalla a donné à Hawa deux particularités. La première, elle a été enfantée sans avoir de mère. Elle est sortie de Adam alayhi salam, qui est, ce que les ulama disent, c'est son père. Elle est sortie de lui de sous son aisselle gauche, yani de la côte. La côte, celle-là qui est en haut, le plus en haut. Donc il a dit la première particularité. La deuxième, Allah Azza wa Jalla lui a donné, Allah Azza wa Jalla lui a donné dans son ventre deux, yani, je ne sais pas si on dit la matrice ou là, où il y a le bébé, deux différentes. Yani, le premier, si un bébé sort de celle-là et de celle-là, ce sont des étrangers. C'est comme si elle représentait deux femmes. Allah Azza wa Jalla lui a donné, c'est comme si dans son ventre, il y avait elle et une autre femme. De façon, il lui a divisé, où il y a le bébé à l'intérieur, a été divisé en deux. Si elle va avoir deux bébés, un de cette partie et un de l'autre partie, ce seront des étrangers. Ça veut dire, en ce sens, la fille de droite, par exemple, peut se marier avec le garçon de, voilà, des gènes différentes, avec des gènes différentes. C'est pour ça que deux garçons d'elle-même, un garçon et une fille, peuvent se marier. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné, comme j'ai dit, des gènes différentes et deux endroits, comme ça, de matrice, ou la différente l'une de l'autre. C'est comme si c'était deux femmes qui les avaient enfantées. Wallahu ta'ala a'alam. Ben Youssef, Abdul Muslim, je lui ai donné l'autre, il n'a pas parlé, il n'est pas là. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma belle sœur fait la prière, elle vient de se marier. Selon le kitab ou sunnah, masha'Allah, la quwata l'abla. Mais apparemment, je le marie, il est avec salat, il ne prie plus. Il dit qu'il va reprendre la salat, le halal est-il valide? Naam, le zawaj est valide, inshallah ta'ala. Le zawaj est valide, inshallah ta'ala. Mais elle devait, avant de se précipiter, elle devait, qaddarallahu ma shafa'al, elle devait bien demander avant de se marier, pour qu'elle soit sûre que c'est quelqu'un qui joue pas avec les salats, il joue avec ces choses-là. Et maintenant que c'est trop tard, il y a, alhamdoulilah, le zawaj est valide, est valable, pardon, mais elle doit aller insister pour que son mari fasse la prière. J'espère, inshallah ta'ala, que ma soeur m'a compris. Il faut qu'elle, yani, elle joue pas avec cette chose. Tout sauf la salat. J'accepte tout de toi, sauf si tu arrêtes ta salat, on doit se séparer. Comme ça disent les ulama, on ne vit pas avec quelqu'un qui ne fait pas la salat. Ou quelqu'un qui joue avec la salat. Il l'a fait une fois, il ne l'a fait pas une semaine. Il ne l'a fait pas une semaine. Pardon, une seconde. Ah, c'est la fille bismillah. Aïkoum salam wa barakatou. Il y a une sœur qui a un sacré problème avec sa sœur. Ils ont beaucoup de mal à s'entendre. Et chaque fois qu'ils entendent une conversation, ils finissent disputant. Je ne sais pas comment qu'a posé la question c'est la fille alors que je ne sais pas où elle est. Je ne lui ai pas enlevé le point rouge. C'est la fille, comment as-tu pu poser la question? Bon, ce qui concerne pardon une seconde. Oui. Il y a une sœur qui a posé une question un peu plus haut. Voilà, quand il y a comme ça 3 ou 4 qui posent la question, franchement, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où je suis maintenant. Il y a en haut quelqu'un qui a parlé du cafard, et en bas quelqu'un qui a parlé de sa sœur, et au milieu quelqu'un, je ne sais pas, peut-être qu'il a parlé de l'araignée ou je ne sais pas quoi. Attendez donc que je cherche ce qui est écrit ici. Bon, inshallah, maintenant on touche nos vêtements, ça c'est le chien. J'ai pas assisté au cours, non, ça c'est terminé. Ma belle sœur fait la prière, on l'a terminé. Je venais de voir quelqu'un qui quelque chose qui avait rapport avec le cafard. Je sais pas où elle est passée maintenant. Naam, c'est la fille, puisque tu n'as pas fait exprès, je vais te répondre. C'est quoi ta question? Il y a une sœur qui a parlé, ils ont beaucoup de mal à s'entendre. Chaque fois qu'ils se disputent. D'accord, mais où est la question? Où est la question? Ah, si tu as posé un problème, tu m'as pas posé la question. ministérique. Salam alaikum, Cheikh. Tout d'abord, comment tu vas? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah, tout se porte bien. Voici, j'ai deux questions. J'ai deux multipistes. Un numérique avec un disque dur et un autre analogique. Est-ce que je peux les vendre pour récupérer de l'argent? Je dois les mettre dans ma cave, barakallahu fik. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, les deux choses. J'ai deux multipistes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par multipiste, là. Un téléphone ou là, c'est une cassette ou la qu'est-ce que ça veut dire des multipistes? Femme et ministère, je ne sais pas ce que ça veut dire multipiste. C'est un appareil de quoi? Sonore, un appareil sonore. J'ai pas encore compris. Yani c'est, on met des cassettes pour les entendre ou là qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Je n'ai pas bien compris. Inch'Allah, qui sert à brancher micro. Je vais te dire quelque chose, Akhi ministérie. J'ai pas bien compris, mais c'est quelque chose, si je comprends bien, c'est quelque chose qui, si on. Ce qu'on utilise pour les conférences. Naam. Si cette chose, tu vas la vendre à des gens. Ou pour la musique ou autre, justement, c'est ce que je voulais te dire. Tu regardes d'abord à qui tu vas vendre cette chose. Tu ne la vends qu'à quelqu'un qui l'emploie ou c'est halal. C'est ça ce que je voulais te dire. Tu ne la vends que lorsque tu trouves quelqu'un qui va l'acheter pour ne pas mettre la musique ou pour ne pas l'employer dans les conférences où ils vont parler du shirk et du haram et de judaïsme, etc. Femme, il faut que tu sois sûr où tu vas la mettre. Tant que tu ne sais pas, tu la laisses chez toi. Tu la laisses chez toi jusqu'au jour où tu trouves quelqu'un et te dit, moi j'ai besoin de cette chose pour le din ou là pour quelque chose de qui n'est pas haram, c'est tout. C'est comme quelqu'un par exemple qui a un téléviseur, il va le vendre. À qui tu vas le vendre? Si tu vas le vendre à quelqu'un qui va voir les films osés, il va écouter de la musique, etc. Toi tu l'as vendu et c'est des péchés qui viennent vers toi. لا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله دي دونك لا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ne vous aidez pas pour les péchés. Mais si tu vends à quelqu'un, il veut te dire, je vais seulement écouter le Coran, je vais seulement boire le halal, etc. Ça c'est autre chose. C'est pour ça que je te dis de ne pas le vendre, inshallah ta'ala, jusqu'à ce que tu sois sûr qu'il va tomber dans les mains de halal, inshallah ta'ala. Naam. Abdul Muslim n'est pas là. Abu Maryam, tafadhal Abu Maryam. Abdul Muslim est là. On attend une seconde. Abdul Muslim est là. Salam alaykoum, cheikh. Voilà mon oncle en Algérie est malade. Il est stérile, cependant il y a un traitement, mais il coûte cher là-bas. Peut-on voir un médecin en France et lui demander une ordonnance pour lui afin de payer moins cher? Laisse-moi d'abord comprendre la question, je ne l'ai pas bien comprise. Bon, mon oncle a des problèmes. Il y a un traitement, mais il coûte cher là-bas. Peut-on voir un médecin en France, lui demander une ordonnance pour lui, afin de payer moins cher? Pardon, Abdel Mouslim, j'ai pas compris. L'ordonnance, quand il va te donner le médecin, qu'est-ce que tu vas faire avec l'ordonnance? J'ai pas compris. Tu vas lui acheter des médecins ici? Parce que c'est comme ça que tu veux dire. Tu vas lui acheter des médicaments ici, pardon. Tu vas lui acheter des médicaments ici? Non. Et si le médecin accepte de te donner l'ordonnance, où est le haram? Je vois pas moi. Si le médecin accepte, non, le médecin accepte. Tu rentres au médecin, tu lui dis à quelqu'un qui a un cas, ceci et cela, ensuite tu payes le médecin, ensuite il te donne l'ordonnance. Et tu lui achètes le médicament. Inch'Allah ta'ala, tu n'as rien, yani, transgressé. Tout est dans les lois, Inch'Allah ta'ala. Naam. Tout est dans les lois, Inch'Allah ta'ala. Salafiya bi'idnillah. Tafadhali. Wallahu a'lam. Salafiya tafadhali. Abu Maryam, je crois, je l'ai oublié. Abu Maryam, pardon. Abu Maryam, je t'ai oublié. Je commence par Abu Maryam. Abu Maryam, n'est pas là peut-être. Abu Muawiya, tafaddal. نعم أبو شيمة كارم تفضل أبو شيمة أبو معاوية تفضل عليكم السلام صوبر demain إن شاء الله تعالى الدرس sera ou bien sur le fiqh ou bien sur صحيح الجامع ou bien sur le fiqh ou bien sur صحيح الجامع نعم بالعربية تفضل بالعربية اكتب بالعربية تفضل أبو معاوية si j'ai la réponse هل ممكن شي غير نسجل جواب الفرنسية si j'ai la réponse تفضل كي je l'ai pas trouvé واسمها نعم c'est l'or j'ai pas trouvé la sœur سلفية بإذن الله je l'ai pas trouvé واش كان لي سلفية نعم سلفية pose ta question je t'ai enlevé l'or puisque tu étais avant pose la question donc je voulais savoir si la sœur pouvait limiter ses conversations avec sa sœur avant même plus que vous parlez pour une autre raison aussi c'est qu'elle l'attire beaucoup vers les choses de la dunia si on traîne la sœur à une baisse de force sachant qu'elle est encore très faible نعم نعم c'est pas la peine yani qu'elle lui parle tous les jours ou là نعم un peu yani pourquoi parce qu'elle sait que la rencontrer c'est devenir faible. Quand on la rencontre, on devient faible. Alors, elle s'éloigne d'elle. C'est pas elle s'éloigne d'elle, ça veut dire elle va faire d'elle une ennemie. Là, seulement lui parler de temps en temps. Quand elle la rencontre par téléphone, par ceci, elle ne va pas souvent à elle, elle la rencontre pas souvent. Pourquoi? Parce qu'elle l'a fait faiblir. Donc elle a l'intention, inshallah ta'ala, surtout l'intention du din. Elle sait que elle vit dans la même maison. Non, mais c'est pas la peine de se parler beaucoup. Pas parler du matin au soir. On se parle comment vas-tu, la baisse, donne-moi ceci, ça s'arrête là, je vais lire un livre, etc. Je vais lire le Coran, je vais apprendre le din. Dans la maison, elles doivent pas être deux ennemis. Ça veut dire, elles se parlent, mais elles n'est pas obligée de parler du matin au soir avec elles. Elle dit, j'ai un emploi du temps, je suis assez occupé, je dois lire ceci, je dois apprendre cela. La baisse, c'est très normal. L'essentiel, c'est que dans son cœur, elle n'a pas dit, je vais quitter celle-là à vie, je vais plus lui parler, non. Elle a dit, je suis occupé, j'ai des choses à faire, c'est tout. Naam. Kiki barakallah, Abu Shayma, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, Nour et Abu Idriss, on arrête. Inch'Allah, Abu Idriss, c'est le dernier, hein. On a dépassé, Inch'Allah, déjà de 5 minutes. Insalam, pour barakatou. Je travaille à Conformance, c'est un magasin de meubles et de télé. Moi, je vends dans ce magasin des télés, des ordinateurs, des caméscopes, etc. Est-ce que je dois traverser ce magasin? Je dois quitter ce magasin. Inch'Allah ta'ala, Abu Shayma, Inch'Allah ta'ala, tu dois quitter ce travail. Mais moi, je te dis pas dès maintenant, yani, quitte-le. Moi, c'est d'après la foi que tu as. Tu as un peu d'argent à côté pour vivre, quitte-le dès maintenant. Tu n'as rien dans les poches. Dès maintenant, tu commences à chercher un travail. Tu commences à chercher un autre travail, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi? Parce que ce travail, c'est haram. Quelqu'un qui vend et la télévision et un autre, etc. Tu sais maintenant qu'est-ce qu'on voit dans les télés. Tu sais le malheur qu'il y a dans les téléviseurs. Donc, toi, tu ne dois pas aider quelqu'un à ce qu'il achète cette chose pour que ce soit toi la cause qui va aller voir. Et toi, Inch'Allah, tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit « Man taraka shay'an lillah awadahu khayran minhu » Quiconque ne fait pas une chose à cause d'Allah ou bien la laisse à cause d'Allah, Allah Azza wa Jal va lui donner mieux que cette chose qu'il a laissé. Mieux que cette chose qu'il a laissé. Wallahu ta'ala alam. Hayyakum Allah shaykhana ba'd al-nas yarawna an hizballah rafidi al-haq. Nuhum nansurun islam fi lubna taklamuna fi masail jihad bi ghayri ilm. Naam, cela je leur ai parlé hier. Hier, je ne sais pas si tu étais avec nous. J'ai dit que hizballah, c'est en principe hizb shaytan. Hizballah, en vérité, c'est hizb shaytan, c'est pas hizballah. Hizballah, c'est quand tu aimes Allah et tu défends son prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu défends les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà Hizballah et voilà quand est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer, il va te donner ce que tu veux et va te donner la victoire. Et c'est pour ça qu'il est interdit à quiconque de faire le djihad avec Hezbollah. Hezbollah qui disent que Abu Bakr, comment il s'appelle avec le grand shaitan, il s'appelle Nassar ou quelque chose comme ça. Comment il s'appelle le shaitan avec? Dis-moi comment il s'appelle, Nassar ou Nassar al-Haq ou bien quelque chose comme ça. Écris-moi Abu Mu'ayyak, écris-moi comment il s'appelle. Ça fait je crois Nassar Allah. Hassan Nasrallah. Celui-là, naam, Nasrallah. Nasrul Shaitan, c'est pas Nasrallah. Celui-là, il dit que Aïcha fait la zina. Aïcha fait la zina. Abu Bakr et Omar sont des kuffars. Othman, c'est des kafir. Naam. Quiconque aime quelqu'un pareil, ça veut dire qu'il n'aime pas Allah Azza wa Jal. Et qu'il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le Coran, il n'est pas le vrai Coran. Le vrai Coran est chez Fatima. C'est le Coran de Fatima, pas ce Coran. Le Coran qui viendra avec le Mahdi. Ça, c'est le vrai Coran. Ceux-là, Allah Azza wa Jal va qu'est-ce qu'il va faire, comme il a dit dans le Coran. Je vais frapper les qui? Les valimines, les injustes avec les injustes. Il va frapper les juifs avec ceux-là. Pour les châtier, pour leur montrer que quiconque ici insulte les compagnons et les femmes du prophète, il aura le adab ici avant l'au-delà. Ce sont des rafidis, des gens qui détestent la sunna, des gens qui disent les compagnons sont des kuffars et Aïcha fait la zina. Quiconque croit que ceux-là, l'azul va les faire triompher, ils se trompent beaucoup. Et qu'ils sont dissuades. Celui-là, c'est Hizb Shaitan et c'est pas Hezbollah. Hezbollah, c'est le Hizb où tu veux faire triompher le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux faire triompher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est pas tu viens les insulter et tu dis yani des blasphèmes sur eux. Mais comme tu dis, parce que les gens n'ont pas d'ilm, ils ont le hamas dans le cœur. Les gens, on les gonfle maintenant comme des ballons. Ils n'ont pas d'ilm. On les gonfle comme des ballons et on les laisse éclater comme les ballons qu'on lâche comme ça pour dans nos enfants. Neboula, on appelle Neboula. Elle va dans le ciel comme ça, un peu de soleil, elle s'éclate. Les gens n'ont pas d'ilm. Ils ne font pas la différence entre un rafidi, un khabith et quelqu'un un sunni. Ils ne font pas la différence. Ils croient que l'islam, quiconque dit djihad, c'est djihad. Ils ne savent pas que pour qu'il y ait le djihad, il faut qu'il y ait le hakim, il faut qu'il y ait le gouvernant, et qu'il soit, yani, le djihad pour la cause d'Allah. C'est pas le djihad, yani, on insulte les sahaba, on va faire le djihad. On va faire le djihad avec cela. La hawla wa la quwwata illa billah. Ummu Abu Awi, Nour 79, tafaddal, Nour 79. Salam alaikum. Hier, vous m'avez demandé mon délil à propos de vivre avec les femmes. Naam. Donc, le Cheikh Djoubéry qui lui a dit que c'est interdit. Alors, y a-t-il l'esquilaf? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit interdit. Djabiri, je ne crois pas qu'il est. Même Djabiri, je m'étonne qu'il réponde ainsi. Je crois qu'on lui a dit que c'est dans la même chambre. Il n'a pas compris que c'est dans la même maison. Et tant que quelqu'un ne te donne pas le délil, ça veut dire que tu ne peux pas interdire. Il faut que quelqu'un dise Naam, il a dit cela, Naam. Il faut qu'il dise le prophète alayhi sallam a dit. Le prophète alayhi sallam a dit ceci et cela. Allah Azza wa Jalla a dit ceci et cela. Naam. Ce n'est pas honteux de demander un délit. C'est pas honteux de demander un délit. Demander un délit, le délit c'est une obligation. C'est pas honteux. Tu lui téléphones, tu lui dis on a dit à quelqu'un, il a dit je ne sais pas, je n'ai jamais lu ça, où ça se trouve. Il y a des gens qui demandent d'où est le délit. Dis-lui, Cheikh Robert Djabiri, on t'aime beaucoup, tu nous as appris toi à être un vrai sunni à demander le dalil. Quand on dit aux gens ça, ils sont des ignorants, ils ont dit on n'a jamais vu ça. Où est le dalil, Cheikh? Où est le dalil? Naam, inshallah ta'ala, demande où est le dalil, inshallah ta'ala, parce que moi personnellement je cherche le dalil. Donne-moi ce dalil au moins pour que je dise aux gens la prochaine fois vont me demander cette question, j'aurai le dalil. Je leur dis non, c'est haram. Moi, jusqu'à maintenant, je dis c'est halal. Parce que je ne sais pas qu'il y a un dalil. Donc, moi, je serai très content que tu me ramènes, inshallah ta'ala, le dalil. Dis-lui, Cheikh, c'est toi qui nous a appris la salafia, etc. Tu nous a appris qu'il faut parler avec le dalil. Tu lui dis, il y a des gens, c'est pas qui font le djidel. Non, Allah, c'est pas le djidel. Au contraire, je voudrais apprendre où est le dalil. Ça me ferait plaisir de dire aux gens, il y a un hadith dans le Bukhari, dans le Tirmidhi, qui dit ceci, cela. Allez, c'est tout ce qu'on demande. Barakallahu fik. Essayez de nous rapporter le dalil. On n'en sera que content. Jazakallahu khair. Abu Idris, tafadhal. Allah, j'ai dit que c'est le dernier. Salam alaikum wa rahmatullah. Je viens de me déconnecter. C'était le dernier fil. Wa alaikum salam. Où était avec l'okht avec? Khalas. Bon, alors on va voir Yamin. Yamin, c'est le dernier, inshallah. Tfadal. Tu avais donné la parole à quelqu'un ou à quelqu'un qui s'appelle Fablouz. Ensuite, ça n'a pas marché. Yamin ibn Omar, tafadhal, je t'ai enlevé le point rouge. je crois qu'il n'est pas là. Ah, alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce qu'une femme peut avoir un mois de viduité? Tu m'entends, Abou Idriss, c'est ce que tu m'entends? Un lien par jour organise la Omra. Non, une femme peut avoir un mois de viduité. C'est par exemple avec, c'est par exemple quand elle fait le khula. C'est elle qui rend la dot. Elle rend la dot à son mari. Non, quand elle rend la dot à son mari, ça s'appelle elle a fait le khula. Elle a fait le khula. Dans ce cas, on dit pas elle reste un mois. On dit elle fait seulement une période de menstrues. Quand elle fait le khula, elle attend une seule fois les menstrues. Quand elle se purifie, elle n'est plus sa femme. Elle n'est plus sa femme. Voilà l'un des cas, le cas le plus connu où c'est seulement une période de monstrueux. Wallahu ta'ala a'lam. Fablou, tafaddali. Kika barakallah. Pablo, tafaddali. Salam alaikum wa rahmatullah. Il fait moi chier une soeur depuis. Essayez de vous demander une chose, mais à chaque fois elle arrive en retard et n'a pas le temps de vous demander. Inch'Allah, excusez, ma fille chier. Elle n'a pas le temps de vous demander, elle lavait la main, mais avant le frère Yamin, et vous dites c'est fini après mes vachir. C'est son pseudo. Fablouz, c'est son pseudo. Naam, Fablouz. C'est son pseudo. Naam, moi j'attends qu'elle pose la question. J'attends qu'elle pose la question. Tout à l'heure, je lui ai donné la parole. Et quand elle a voulu parler, j'ai été déconnecté. Je suis sorti, je suis rentré, j'ai cherché directement. J'ai dit, où est Fablouz? Maintenant, je lui ai donné la parole. Tafadbal, elle pose la question, inshallah ta'ala. Kiki barakallah. Naam. Surtout ce mois-là, on a fait, alhamdoulilah, chaque soir on a fait un cours. Je croyais que vous étiez rassasié, alhamdoulilah, là ce n'est plus de questions. Mais je vois que plus on pose question, plus on en veut d'autres. Hein. Naam. De toute façon, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le remercier qu'il vous ait donné la soif. Dans le ilm par exemple, et pas la soif dans le fusq et dans le fujur. L'insan il remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette soif de vouloir apprendre pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui. En ce sens, vous n'êtes pas, on peut pas vous plaindre. En ce sens, on peut pas vous plaindre quand vous posez toutes ces questions. Est-ce que Fablouz est bloqué ou il y a quelque chose? Amin. Est-ce que Fablouz est bloqué ou il y a quelque chose? Parce que sa question n'arrive pas. Est-ce que l'homme ne met pas? Est-ce vrai que l'homme n'est pas responsable de l'éducation des enfants et qu'il est là uniquement pour les corriger? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Kullukum ra'i wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. والرجل راع في بيته. L'homme est quoi? Est responsable de sa famille. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, et il a dit, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Il a dit, essayez de sauver vos enfants, vous-même, et vos enfants et vos familles de l'enfer qui les attend. Comment cela? En les éduquant, en leur apprenant. C'est pas seulement on le corrige quand il fait la faute. On lui apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on lui apprend la prière, on lui apprend comment qu'il fait le carême, on lui parle du din, etc. Ça c'est obligé. Quiconque ne le fait pas, il a fait un péché envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque ne le fait pas, il a fait un péché même un grand péché envers Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, demain on parlera du fiqh ou bien de la aqidah, bien du hadith, pardon. Jusqu'à Inch'Allah demain, je vous laisse fi ri'ayatillahi wa hafzih. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.